Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4. Et j'ai oublié la bande son. En fait, il y a notre invité qui vient d'arriver. On est en direct. Vas-y, je t'en prie, si tu veux, Christophe, rentre à côté. On te présentera en direct. Allez, j'envoie la musique. Comme d'habitude, il est arrivé pile poil. Je croyais que c'était Kogu au début. Salut, salut. Bah en fait, il est venu l'année dernière déjà. Donc on va parler de Lego, mesdames, messieurs. Ouais. Voilà, on est en direct, hein, et c'est ça qui est bon. Eh ben on va le laisser s'installer tranquille. Je crois qu'il y a un casque en plus de disponible. Je vais en passer, hein, t'inquiète pas. Yes, la classe. Alors, quel micro va-t-il prendre ? Le vert. Yes. Je vais juste m'assurer qu'il est bien branché. Ok, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Yeah, love excited and you. Ça y est. Yes, salut Christophe, hésite pas à bien parler dans ton micro. Ouais, ça marche. Yes, si tu veux que toute la France t'entende, hésite pas à le prendre, tu sais, à le ramener bien, tu peux. Près de la bouche. Yes, aïe, parfait. Bon, j'espère que vous allez bien chez vous, on est en direct, hein. Comme je viens de le dire, on est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, c'est comme ça, comme d'habitude, hein. C'est le temps qu'on s'installe. Tiens, puis en même temps, on est en direct sur Twitch, twitch.tv, la voix du geek, la voix avec un E, vous pouvez nous regarder depuis internet, vous êtes combien? Il y a 9 viewers, il y a toute la bande, il y a Moumout, il y a Monsieur Yanda, il y a John, il y en a d'autres, j'ai pas eu le temps de voir. Il y a l'amical du geek aussi, salut à vous. Et salut, puis salut à vous aussi chez vous de l'autre côté du transistor à nous écouter ou dans vos voitures par l'autoradio. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, moi patate de ouf. Là c'est le drame là. Là il y a Battlefront qui est sorti. Ah bah ouais. Ma vie sociale qu'on a pris un coup, je vous expliquerai ça tout à l'heure plus en détail, mais c'est le drame. C'est bien le jeu qu'on attendait. Bref, je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure. Il y a Dandy qui est là ce soir. Comment ça va, mon poulet ? Ça va pas mal. Guéri déjà, c'est un bon début. Donc, c'est un bon début. Ouais, voilà. Ça va mieux. Bah écoute, moi toujours sur Fallout 4. Tu décroches pas. Disons que je commence à accrocher plutôt. Ah ouais, ça y est. Ouais, je commence à accrocher. Je pense qu'il faut quand même beaucoup d'heures avant vraiment de se mettre dedans. Et c'est ce que ça nécessite, hein. Tout comme n'importe quel autre Elder Scroll où, voilà, si tu t'y mets juste 2 heures comme ça de temps en temps et que tu te mets pas à fond dedans, forcément, t'accroches pas. Donc là, combien t'as d'armure? Comment ça, combien j'ai d'armure? Parce que tu peux en avoir plusieurs maintenant, des armures dans Fallout. Ah oui, bon, bah, moi de toute façon, dès que je trouve un truc, je le collectionne, tu vois. Ah ouais. Je suis le genre de mec qui a toujours les poches pleines et qui les vide dans des coffres énormes. Ah, moi c'est tout le contraire. Dès que je chope un truc, je m'en sers, il est vide, je le jette. Comme dans la vraie vie en fait. Ouais, c'est ça. Bah voilà, moi j'ai le problème de la collectionnite aiguë, donc je suis obligé à chaque fois d'avoir un compagnon et me vider les poches dedans et je suis tranquille. Oula. Oui, si tu vides que les poches, c'est cool. Oui, ouais, voilà. C'est bon. J'ai fait attention au terme. Non, mais ils ont fait un truc. J'ai vu une vidéo sur le net où tu peux, tu sais, il y a un petit côté, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais il y a un petit côté housing où tu peux construire un peu ta maison et en fait, ils ont créé des espèces de petits spots. Ouais. Ouais, voilà, où tu peux ranger tes armures. Et il y en a déjà qui sont en mode Iron Man, ouais, qu'on en ont plein et tout, d'alignés. Comme des dingues, quoi. Ouais, mais tu m'étonnes en même temps. Yes. Bon, en tout cas, t'as joué à Fallout, ça fait plaisir. On va vous en parler tout à l'heure. Et puis, qui est là? Comment ça va, mon poulet? Bah, écoute, il va très bien. Il a pas joué à Fallout parce que lui, et il parle à la troisième personne aussi. Voilà, c'est ça. Il a pas joué à Fallout parce que il veut le faire sur PC et qu'il attend que ce soit un peu moins cher. Et non, du coup, voilà, j'ai décidé de ne pas y jouer, mais tant pis, vous me spoilerez peut-être un peu, mais je vais quand même tenir le coup. À un moment, il y a une bombe atomique qui explose. Oh merde, ouais. Putain. Ouais. C'est un peu le principe de Fallout, quoi. Ah merde. Non, sinon ça va, franchement ça va. Des petites semaines bien chargées ces derniers temps, c'est pour ça que j'étais pas là la semaine dernière. Mais voilà, comme d'habitude, je vous soutiens avec beaucoup beaucoup de force et je vous aime tous dans la voix du. Oh oui. Voilà. Bah... Oh là, attention. Il y a des viewers qui te regardent. Eh oui, on les embrasse. Oui, non mais c'est clair, au bout d'un moment on a la maison, quoi. C'est clair. C'est ça le problème. Il y a Kogu qui arrive dans un instant, Goustic est pas là. Il est au concert de Luc au Rocher de Palmer juste à côté là-bas. Tu m'as dit qu'il était au salon de la caravane. Ah oui, il est au salon de la caravane, mon copain. Il est parti parce qu'il a repéré une espèce de petite caravane. Il a un concert. Ouais, au concert de Luc. Salaud, quoi. C'est qui Luc, c'est quoi? C'est un chanteur. C'est qui, c'est quoi? T'es vachement corporate, en plus, parce que c'est un artiste de radio, un peu. Ah ouais? Je savais pas. Excusez-moi, de radio. Tu passeras la compta. Bonne émission, ouais. Et puis, il y a Christophe, qui est là. Christophe Casuti, comment ça va? Très bien. Yes? Ça, ouais. Depuis l'année dernière? Depuis l'année dernière, très bien. Ça qu'est-ce qui t'est arrivé depuis un an? Raconte. Fallout aussi, mais Fallout Shelter, la version portable. Ah, ouais. Yes, ouais, tu m'étonnes. Eh ben c'est parfait, on va en parler. Collection d'aigus aussi. Ouais. Eh ouais, putain, moi je suis un peu passé à côté, quoi. J'ai un peu de mal avec les applications comme ça. Ouais, moi ça me. Bah, le moi problème aussi, c'est mais que. Celle-là, elle était bien, franchement. Eh ouais, mais le problème c'est qu'il y en a une pour Battlefront où tu peux gagner des crédits un peu. Bah attends, mais j'ai calculé. Si je joue du matin au soir à Battlefront et qu'après, dans le pieu ou sous la douche comme ça, je suis en train de. Tu vois, tu deviens fou, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Tu Non, puis souvent, les applis téléphones, elles sont souvent assez nulles, du coup, ça donne pas envie de jouer. Mais là, franchement, Fallout Shelter, c'était une bonne petite appli, quoi. Oui, yes. Ça va, bonne pioche, alors. Mm. Yes, carrément. Et puis, bah, du coup, tu vas nous parler de Fans de Briques. C'est ça. Qui est un événement Lego qu'on attend tous avec impatience. T'étais venu nous parler de l'édition précédente l'année dernière. Rebelote. Carrément. Et puis moi j'ai plein de nouveaux Lego en plus. Ah. On en parlera tout à l'heure. Ah ouais, un truc de ouf, quoi. Ah ouais, j'ai fait des folies depuis qu'il y a le Lego Store. Laisse tomber. Mon Dieu. Ah oui. On va en parler aussi de ça. On va en parler. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Une émission qui va faire du bien ce soir. Putain, il fait un temps dégueulasse dehors en plus. Arrête, c'est trop bien. Il manque plus que la neige. Ouais, bah, c'est un peu le problème. Ouais. Ouais, c'est un peu le problème de Bordeaux. Il fait le temps, tu vois, un temps neigeux, mais ouais. Il neige pas. Quoi. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, genre, t'ouvres les volets, tu fais yes, il neige. Tu sais, tu mets tes bottines, ton truc avec ton pompon et tout. T'arrives dans la rue, c'est déjà de la bouillasse. Ouais, c'est clair. Bon, on va faire un truc de. Un bonhomme debout. Un bonhomme debout. un bonhomme debout. Debout. Oh là là. Fou. Je me suis trompé, j'ai envoyé le jingle d'Anthony. Attendez, faut attendre qu'il se termine. NG. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas. Voilà, je voulais te mettre les rires en fait. Bref, allez, on est en direct, c'est ça qui est bon. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette émission? Qu'est-ce qu'on va y faire? On va discuter. Mais Stryre et boule de gomme. Mais sur quoi ça? Eh ben, putain, ça me donne envie de mater Scooby-Doo. Tu sais, dans Scooby-Doo, tiens, j'avais gros spoil. Scooby-Doo et le mystère de la friterie. Non mais c'est ça, si vous regardez un épisode de Scooby-Doo chez vous là, je vous spoil, tous les épisodes de Scooby-Doo, c'est Monsieur Jean, le directeur du parc d'attractions. Et à chaque fois il enlève son et il fait oh, mon Dieu, c'est Monsieur Jean, le directeur du parc d'attractions. T'as toujours l'autre connasse de Vera qui improvise et qui dit ouais je le savais, ouais, et puis après t'expliques le truc et tu pouvais pas le dire 20 minutes plus tôt, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe, il aurait pu tuer des gens, quoi. Il y a des Lego Scooby-Doo et pas... Oui, ils sont. J'ai pas succombé. Y a pas le filet à Fred. Fred, il a toujours un filet aussi. J'ai jamais compris pourquoi. Bah ouais. Ouais, pour les capturer, toujours des plans foireux. Ah oui, ah ouais, c'est clair, exact, ça marche jamais. Ouais, il est peut-être pêcheur, hein, vu le t-shirt, tu sais, marin comme faux, ça. Ouais, imagine à quel point c'est chiant. Tu fais tout le temps des enquêtes, mais il se passe tout le temps la même chose, globalement, le même parcours avant que tu réussisses à choper le méchant, tu vois. Eh ouais, mais c'est pour ça que j'ai abandonné, moi, pour faire de la radio ma carrière de détective privé. Moi, j'en suis à saison 12 de Scooby-Doo, là, je suis avec impatience le prochain épisode. Parce que j'ai jeté l'éponge. À ma dernière enquête. Comment le chat de la voisine, il s'était coincé le cul dans la gouttière. Ah, j'ai jeté l'éponge, c'était trop dur. Ah, la vie de super-héros. Ça a été trop loin pour moi, là. J'ai décroché. Bon, bref. Dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les nouveaux jeux vidéo de la semaine. À l'admire, on va s'écouter du son. Ça fait un moment qu'on l'a pas écouté. On va s'écouter 2080 avec My Mega Drive. Cool. Ça me fait penser, John, j'ai bien eu ton message. Parce qu'il fait de la musique, il fait de la chiptune. Ah, c'est sympa ça. Carrément. Donc faut que j'écoute ces morceaux. J'ai vu qu'ils me les avaient envoyés. On peut en passer à l'antenne. Sous réserve que ça soit pas trop hardcore session. Ensuite, après la nuit, on va parler de Fans de Briques. On va parler de Lego. Ah, et je vais vous tester un petit peu, voir si. Oula. Oh bah putain, oula. Laisse tomber, quoi. Bah tu sais, j'étais Playmobil quand j'étais gosse. Donc... Ah bah déjà tu sors. Ah bah voilà. Ah bah je te coupe ton micro. Attention, il y a un assassin qui vient de rentrer dans la pièce. Ah, alors ouais. Qu'il y a Kogu qui vient d'entrer, on peut l'applaudir. Yeah. Yes. Il est pas en là, short. Il est pas en short cette semaine. Tu prends le micro jaune, ok, ça roule. Hop, je t'allume. Oh là là. Ah, on va parler de Lego. À 20h, on va s'écouter Mafia Tressé. C'est un groupe de hip-hop que j'écoutais plus jeune. Et je suis retombé dessus comme ça. On va écouter Arrête ça. C'est genre de la mafia avec des tresses. Oh là là. C'est ça. Oh c'est vrai. Ouais, c'est des mafieux avec des tresses. Oh la classe. La non, classe. C'est pas ça. C'est du bon son. C'est du son marseillais. Faire un film. C'est du son marseillais. Ouais. Mais c'est comme ça que tu nous vends du bon son. Des années 2000. Oh putain. Mais c'était pour faire la vanne. D'accord. Okay. Et puis après 20h, on va se faire le test tant attendu de Fallout 4. Alors je vois déjà se dessiner dans le studio un ring. Alors, je pense que les viewers sur Twitch j'ai en live. J'ai voulu me cacher, j'ai mis une droite au micro. Comment ça va, Kogu? En retard, désolé. Bon, retard, t'inquiète. Mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de ma femme. Elle a attendu un tram 45 minutes. Oh là là. Elle aurait eu le temps de rentrer à pied sous la pluie, bref. Ouais. Non mais ça va, alors je récupère parce que je vous ai écouté quand même dans la voiture. Alors j'ai aussi joué à Fallout, j'ai aussi collectionné. Parle bien dans ton micro, poulet. Et tu vois la différence, mon pote. Attends, j'ai couru, j'ai pas fait ça depuis 77. 77, si j'étais en CP. C'est 77. Vrai ah, non. 77, mais non, t'étais pas du tout né. J'étais pas né. J'étais en 4e avec Madame Goubert. Pouf. En tout cas, ça va super, merci. Ouais, bonne semaine vidéoludique. Je devrais décéder à la fin de l'émission. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux, tu peux te décaler un petit peu comme ça. Ouais, si c'est bon, on vous voit la caméra. Puis donc, on va faire le test de Fallout 4. Donc, bilan un petit peu mitigé pour ma part. On dirait voilà. Des informations, quoi. Bilan oui. Un petit peu mitigé. Oui, c'est clair. Attends, je peux la faire. Nous avons un envoyé spécial au Fallout et Shelter. Il est 19h16. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio. L'heure est grave. Fallout 4. Je n'ai pas aimé du tout. Nous faisons le point dans un instant après la météo. De Gilbert, je sais pas qui. Voilà. Tu le fais bien, n'empêche. T'as vu? Ouais, je peux même te faire 1944. Alors qu'il s'abat sur la France. Bref, vous voulez que j'envoie la musique des news? Oui. Ah, j'ai oublié. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter aussi. Et sur Twitch. Et sur Twitch aussi. La Voix du Geek, la voix avec un E. Viendez nous voir. Ouais, viendez. On est en live aussi. Hein, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, on est en live sur Internet, twitch.tv. La Voix du Geek, la voix avec un E. Je lirai tous les messages. Je vois que ça défile. Je les lirai pendant le scud, parce que si vous parlez entre vous et tout, faut pas oublier les auditeurs quand même qui sont chez eux ou en voiture. Pas de private joke, voilà. Puis ne tweetez pas au volant au passage. Ouais. Oui, on ne tweete pas au volant, on s'arrête sur le bord de la route pour le faire. C'est clair. J'ai fait ça sur l'autoroute pour envoyer mon tweet tout à l'heure. Oh, le pas bien. Boy, j'ai arrêté tout le monde. C'est pour ça que j'ai reçu. Excusez-moi, je suis en retard, je dois prévenir le patron. C'est pour ça que j'ai reçu cratrotar. Je comprends mieux. Allez, j'envoie la musique des news, on fait le tour de l'actualité. Vidéoludique de la semaine. Et bah, qui s'y colle? Tiens, on va commencer par là. Tiens. Et bah, allez, ça tombe bien. Comme parce que chaque semaine, en vrai. Oui, c'est pas faux. Non, ah, mais... attends, je te coupe. T'as pas une blague de ouf à nous sortir? Non. Ah, si. Non, non, il non, nous non. a tellement non. vendu le dos sans antenne. Ah, si. Bon, il assume pas, tu sais. Si, bah, si, j'ai prévu de me prendre un gros vent radiophonique. Ah, bah, vas-y, c'est maintenant. Je vais foutre les deux pieds dedans. Alors, en plus, monsieur Dandy. Non content d'avoir un stock de blagues interminables sur Internet, nous dit clairement, les mecs, j'ai inventé une blague. J'ai inventé une blague sur Star Wars. Le truc de ouf. Quoi. Alors, j'ai prévu de me faire décapiter ou je sais pas quoi après, parce que je pense que tous les fans vont me détester. Allez, vas-y. C'est une blague tellement bidon. Allez, vas-y. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de religion dans Star Wars? Ouais. Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils sont tous athées. Elle est pas mal en vrai. Elle est cool. Ah, Slender, voilà. Ouais. Tu vois, je te dis, il y a un mec qui veut me buter. Elle okay, était cool. Voilà. Moi, franchement, je te soutiens sur ce coup-là. Ah, bah merci, putain. Envoyez vos dons. Mobilisez-vous. J'ai un appel de monsieur Carambeur qui voudrait recruter. N'hésitez pas à voter sur le chat. Hein. Dites-nous, vous des, envoyez. Des bisous à tout le monde. Je sais qu'elle était pourrie. Il y a Franck Dubosc qui voudrait te piquer ta blague. Vous envoyez oui ou non au 8-12-12 pour qu'il dégage de l'émission. C'est clair. Allez, vas-y, balance tes news. Alors, moi, j'ai une petite news, même plutôt une très très très très grosse news pour les fanat Zelda ou pas d'ailleurs, qui attendent le prochain Zelda épisodique, donc on va dire sur Wii U ou sur NX, sait-on jamais. Tu veux parler du seul jeu qui vaut le coup d'avoir la Wii U? Avec Splatoon, ouais. D'accord, ouais, ok. Ouais, quasiment, ouais. Bah, sachant que j'ai fait Splatoon, voilà, j'attends. Il me reste que celui-là. Bah là, j'attends dans mon salon toute la journée. Alors, donc, je vais vous parler de Eiji Aonuma. Alors, ce bonhomme-là, c'est qui? C'est quoi? Eiji Aonuma, c'est le nom du producteur donc qui a pris la relève de Miyamoto. D'accord. Voilà. Comme Eiki, mais avec un J, en fait. C'est vrai. Oh, putain. Eiji. Voilà. Eiji. Et donc, ce mec-là, il nous a dit en octobre dernier que sa conception du monde ouvert devrait surprendre. Donc, sur le prochain Zelda. À savoir que aujourd'hui, lors du dernier Nintendo Direct, il a fait une petite interview dans laquelle il a dit concrètement, voilà, en gros, le prochain Zelda, la carte du jeu, j'aimerais me baser sur l'échelle de Tokyo. Donc, Kyoto, d'accord. Pardon. Ouais, parce que Tokyo, Kyoto, c'est grand. Donc je vous rappelle, le mec Kyoto. Est arrivé il y a un mois. Alors, c'est clair. Il serait folie des grandeurs. Il serait peut-être temps de s'y mettre, du donc, coup. Donc il aimerait faire de à l'échelle de Kyoto, qui, je vous le dis quand même, la superficie de 830 km². Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 6 fois la carte de Witcher 3. Ah, je croyais que t'allais comparer ça avec des villes françaises. Ça équivaut à 27 fois Crépouilly les 7 poutelles. Ça équivaut à 10 fois la carte de GTA 5 et à 22 fois la carte de Skyrim. D'accord. C'est quand même un truc de fou. Il y a intérêt. Avec 80% de plaine. Ouais. C'est ça. Sans arbres et sans buissons. Tu y as été au cocotier un moment là-bas? Oh, c'est trop bien. Donc, il y a un bobby jaune. Voilà. Le truc, c'est que tout le monde se dit, bon, ok, c'est bien, on va avoir un truc hyper grand, parce qu'il parlait aussi de la profondeur de champ. Ah. C'est hyper cool. En gros, ils avaient vendu le truc en disant, vous voyez, tu sais, ils mettaient sur une plaine dans la démo, ils disaient, vous voyez les montagnes là-bas? Elles sont jouables. Aller. Ouais. Elles sont jouables. Vous pouvez aller jusqu'au bout de ce que vous voyez de la carte. Ça me rappelle le sketch des inconnus. Ouais. Tu vois la montagne là-bas. Vas-y voir si voilà. J'y suis. Allez donc voir si j'y suis. C'est un peu le même délire. Et ils y allèrent. Et donc, en gros, ils ont dit que, et ça c'est une affirmation sûre, c'est du 100%, ils ont dit la carte sera aussi grande que ce que la Wii U est capable de faire. Oh, oh. Alors, je vois les trolls arriver d'ici en disant elle fera 10 cm², mais c'est pas le cas, je préfère vous le dire. Non, après il y a un site qui s'appelle Scooptando, donc voilà, qui prend des scoops de sur Nintendo. Tout ce qui concerne de Nintendo, c'est très obvious. Par contre eux, bizarrement, ils estiment la carte à environ 55 km², donc ce qui équivaut deux fois la carte de Skyrim. Bah c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein. Après, voilà, comme on dit. Qui ont pas fait la carte de Skyrim, ça leur dit que dalle. Comme on dit. C'est quoi Skyrim? C'est pas la taille qui compte. Ouais, ça dépend. Voilà, non, mais franchement. Non, mais voilà. Sur les gens comme toi. Justement, pour Skyrim. Non, ouais, ça va. Pour Skyrim, faut voir quand même que la carte est très grande, certes, mais elle est aussi très vide, quand même, à part les... Oh non! Bah quoi? Non, tu peux pas dire ça. Il y a que des montagnes, Oui, c'est pas vrai. La taille, si vous promenez la carte de Fallout, qui est pas une des plus immenses, tu peux t'y balader pendant 2 heures. Oui, c'est vrai qu'elle est dense, quoi. Ouais. Si, voilà. Non. Moi, je suis d'accord. Skyrim, effectivement, tu dis c'est vite, peut-être parce que t'as pas trop de baraques. T'as pas trop de baraques et autres. Mais enfin, t'as une végétation qui est vachement dense. Tu as des jolis ruisseaux. Et quand tu joues à Skyrim, c'est ce que tu veux. Non. C'est ce que tu veux. Bah, non. Si. Ouais, enfin, dans ces cas-là, t'achètes un jeu, tu te promènes. Moi, quand je joue à Skyrim, je veux jouer à Randonnée Simulator. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut pas oublier que justement, ces petites rivières, ces petits ruisseaux. Oui, un ruisseau aussi, ouais. Une petite rivière. Ces petits ruisseaux, ces petits arbres, c'est juste des props qu'ils ont fait et qui collent un peu partout, quoi. Donc. Ouais, mais ils arrivent à chaque fois à créer un truc différent. Comment il fait redescendre la carte? Ils arrivent à trouver un truc différent à chaque fois. Ouais. Enfin, si tu veux, tu vas pas à un endroit en disant. Ça ressemble à côté de cette ville, ou ça ressemble à là-bas. Tout est différent et ça te crée un sentiment de après, putain, je suis dans une montagne de ouf et je découvre tout partout. En vrai, c'est totalement des... possible. Après, voilà, ça pourrait faire aussi comme dans Assassin's Creed 3 par exemple, où la map était très grande, certes, mais elle était divisée avec en fait des checkpoints où tu passais d'une partie de la map à l'autre. Ouais, c'est comme Far Cry, quoi. Je veux dire, attends, un c'est peu la Monster Wii U. Hunter, tu parles ce genre de ouais, truc. C'est où... ça. Ah ça, si c'est ça. C'est horrible. Je mais je veux dire, Wii U, attends, c'est la Wii U. Ok, certes, c'est la Wii U. Pourquoi il ferait une carte 6 fois celle de Skyrim? La Wii U mais n'a pas les capacités. Que... Mais peut-être que si, et que tout le monde crache dessus, alors qu'en il fait, il faut juste y croire. Mais non, mais voilà. Non, mais je pense que le truc, c'est que les gens qui développent dessus et Nintendo qui développe dessus font pas forcément ce qu'il faut pour montrer que la console elle en a dans le ventre. Je pense que Ubisoft avec Zombie U au début, ils ont essayé en tâtonnant avec ce qu'ils avaient pour le lancement de la console, et je trouve que pour le lancement Zombie U il était très bien, honnêtement, parce qu'en général on sait très bien que les consoles sont utilisées à leur maximum à leur fin de vie. Ah oui, clairement. Et je trouve que Zombie U était pas mal. Je me dis, si ils commencent à forcer, à creuser un petit peu dans la Wii U, il y a peut-être des trucs qui sont bons à en sortir. Je me dis, c'est pas une boîte vide qui va durer 8 ans et qui va faire un flop. Ouais. Il y a forcément un truc bien dedans. Après, franchement, je veux bien y croire à partir du moment où ils vendent un bundle avec le jeu et un processeur en plus, en fait. c'est ouais, en gros, monte à Wii U, quoi. C'est ouais, assez portable. Tiens, clair. Je fais juste, il y a l'amical du geek qui fait passer des heures à aller d'un point A à un point B, c'est relou. C'est les quêtes qui comptent, pas la promenade. Effectivement. Eh ben, ça dépend. Ça dépend, tu vois, parce que ça moi dépend, j'aime ça bien. Dépasse. Moi j'aime bien. Si le décor il est beau à la Skyrim, que t'as une bonne ambiance, que t'as une bonne atmosphère, bah, je peux te dire que j'ai marché je sais pas combien de fois dans Skyrim avec un beau ciel étoilé en me disant oh putain, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Tous les dimanches matin, retrouver Dandy sur voilà. Le marché de Skyrim c'est pour une petite promenade bucolique. Avec Tabriel. Non, mais après, Je sais pas, franchement, j'ai fait Twilight Princess, c'est mon préféré, etc. Mmh. Je le referai quand il sortira en HD. Je t'ai même demandé de me réserver le bundle avec la petite figurine. Il est pas encore sorti, ça y est, il veut tout déjà. C'est le seul truc qui m'a intéressé au dernier Nintendo Direct, mais ça, on passe. Et franchement, les passages entre ton village de départ et Hyrule, la citadelle, avec des... ça m'a fait chier, ça m'a fait chier. C'est vide et le jeu était développé pour GameCube. Mais même au-delà de ça, t'as un gap. Dans GTA, tu prends une caisse et ouais, effectivement, t'aimes bien faire des kilomètres parce que tu roules, que t'as une sensation de vitesse et tout. Là, t'as qu'un putain d'Epona, ça sert à quoi? Mais qui te dit, ça se trouve, t'auras un tapis volant, t'auras... tu peux pimper, Epona. Tu te rappelles pas? Attends, est-ce que tu te rappelles, dans Mario Kart, ils avaient fait un DLC où t'as Link qui avait une moto et ils ont dit, la moto, elle est tellement cool, on aimerait l'intégrer à un jeu. Qui te dit qu'elle sera pas dedans? Eh ben, c'est à ce moment-là que j'arrêterai officiellement de suivre Nintendo. Ouais, c'est clair. Je ferai une barre tatouée sur mon tatouage de Triforce. Comme Konoha quand, tu sais, c'est des reskilleurs et qui raye le logo. Bah, je ferai pareil. Yes, franchement. On va voilà. Enchaîner parce que ça t'as mis 7 minutes pour excusez-moi d'avoir pris toute l'antenne. Non non mais t'inquiète, c'était intéressant. Kogu, mon poulet. Une nouvelle qui, si tu l'as vu passer, a dû te faire super plaisir quand même. Oula. Si je te dis que t'as le bras hyper long quand même. Oula, ça sent One Piece. Bah, je sais pas. Bien vu, mais c'est pas ça. C'est quoi le rapport? Non, non. Rappelle-toi, une des dernières gueulantes qu'on a passées sur un jeu où on a appelé les gars et tout. Ah, Mad Max. Non. Alors attends, parce que j'en ai appelé plusieurs. T'avais appelé Big Ben pour. Alors j'avais appelé Big Ben pour Motorcycle Club. Non, ah non, si, non. Afro Samurai. Bingo. Ah oui, yes. Eh ben voilà. Alors, je suis riche, mesdames, messieurs. Tu es riche, voilà. Ils ont décidé, et c'est une des premières fois quand même. C'est vrai. Tous ceux qui ont acheté Afro Samurai 2 ont été intégralement remboursés de l'achat. Alors, plus dommages et intérêts en plus. Ça dit, ils étaient 4 en France. Bah, il y avait moi déjà. Dans l'infernal. En voilà. Plus, j'avais acheté le truc à 34,90€. Oh le fou. Ah, ça va me payer le Season Pass de Battlefront. Voilà. Ah ouais, et ils ont fait carrément machine arrière. Et en fait, c'est le PDG qui s'est directement exprimé. Il a dit pardon, je suis désolé. Non, non, ouais, il a dit, alors je le cite quand même, hein, donc c'est Steve Escalante. Il a fait, le jeu était un échec. Nous ne pouvions pas faire le volume 2 et le volume 3. Carrément. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient bien dans les tuyaux. Donc et le volume 3 avec la conscience tranquille. Nous avons donc entamé donc un processus de remboursement qui fut long parce que Sony était pas du tout habitué à cette ouais. Steve Escalope, si tu nous écoutes, PS, arrêtez de faire des jeux de débile. Tu peux me faire un virement, si tu veux un virement, tu m'envoies un chèque directement à Eau de Radio. Ils transmettront. Donc a priori, hein, si t'as pas été reversé sur ton porte-monnaie, c'est qu'il y a un souci, tu dois les contacter, mais sinon tout le monde a été. Ça risque d'être assez long. Steve Escalon. Si tu veux, il y a un moyen mémotechnique, tu escalope et lampe. Okay. D'accord, escalope. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Afro Samurai 2, oui, qui était une belle merde, on en avait parlé dans l'émission. De plus en plus, quand même, on s'aperçoit que ils remettent la main au porte-monnaie et puis ils remboursent. Hein, ils ont pris exemple sur Batman. Voilà. Et c'est ça, je crois qu'ils ont été les premiers, la Warner, et puis maintenant ils se disent on peut plus quoi. Non mais c'est ouf hein, parce que voilà, tu sais, fut un temps, ils auraient dit tant pis, c'est un nanar. Mais c'était Steam qui a commencé, je crois, la politique des remboursements comme ça. Bah, ils l'ont toujours pas fait pour Tony Hawk en tout cas, hein, on l'attend toujours. Bah Tony Hawk qui sort pas d'excès dans pas longtemps. Activision. Ouais, c'est clair. Allez, qui vas-y, enchaîne. Ok, ben moi je vais vous parler d'une série qui est une des premières séries diffusées par Amazon Vidéo qui s'appelle The Man in the High Castle. Mais Amazon Vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un service à la Netflix, sauf que c'est Amazon qui produit des séries en fait. Ah bon? Elles sont pas mal aussi. Et en fait, cette série, The Man in the High Castle, ça parle d'une Uchronie en fait, où les nazis ont gagné la guerre. Et où, en fait, ça se passe à New York en fait, avec tous les trucs nazis et tout. Et du coup, pour la sortie de la série, etc., et pour faire de la promo à New York, ils ont redécoré les métros new-yorkais. Sauf que ça n'a pas plu à beaucoup de monde, étant donné que d'un côté du métro, sur tous les fauteuils et sur la carcasse, du métro, t'as les États-Unis version nazi, c'est-à-dire que t'as le drapeau des États-Unis avec un espèce d'aigle au lieu des étoiles. Ah oui, ouais, je vois, ouais. Et de l'autre côté du métro, de l'autre moitié, en fait, tu as la version du Japon avec le drapeau de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et du coup, ça a pas plu à énormément de New-Yorkais. La version du Japon, mais de quoi? Des États-Unis? Quoi? Quand t'as dit de l'autre côté, il y a la version du Japon. Ouais. Mais de quoi? Des États-Unis? Non, la version japonaise, en fait, avec pareil, les drapeaux japonais sur les fauteuils, etc. Sauf que c'est pareil, c'est. En Asie. C'est un drapeau du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Okay. Du coup, ça a pas plu à énormément New-Yorkais. Et voilà, c'est censé rester encore 10 jours et je sens que ça va faire beaucoup parler ouais. Ouais, c'est moyen quoi. Quand ouais, la com va trop loin. Non, voilà, c'est il y a beaucoup de New Yorkais qui s'en sont plaints, beaucoup de tweets qui ont été balancés en disant que bah le matin, il y en avait un, il préférait s'asseoir du côté du Japon de manière à pas avoir en face de lui l'Amérique nazie quoi. Bah ouais, c'est voilà. Enfin c'est space comme promo. Ouais, après c'est quand même assez hypocrite de la part du seul pays du monde où t'as le droit de revendiquer légalement que t'es nazi quand même. Voilà. Ah, je savais pas. Ouais. C'est okay. Celui-là. Si vous cherchez, si vous cherchez, c'est les États-Unis. Pas de politique dans cette émission. Effectivement. Il nous reste pas de temps avant de s'écouter le Scud. Mais on les fera après. D'accord. On les fera après le Scud. En plus, c'est du bon son qu'on s'envoie là. C'est du bon son. Qu'est-ce que j'ai prévu? Dandy, tu fais chier quand même. Hein. 2080. Ah, oui, c'est tu m'as lancé. Hein. Tu m'as lancé. Moi, je rétorque. J'y vais. C'est ça. Allez, les 19h30. Vous écoutez toujours la voix du geek. Nous, on revient juste après 2080 et My Mega Drive. Vous écoutez Eau de Radio. Écoutez Eau de Radio. Écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour, il est 19h passé de quelques minutes, 19h35 même pour être exact. Vous écoutez toujours la voix du geek sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eau de radio.net pour le reste de la Gaule. Je suis tout essoufflé, j'ai dansé comme un ouf en régie, j'adore ce morceau. Ah, c'est vrai que c'était bon. 2080, c'est une tuerie, je vous invite à écouter ce qu'il fait, on en passe régulièrement. Hein, veux jouer éternellement avec ta mélodie métallique. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça m'excite. Je me suis même pris un petit coup de bonnette dans la bouche. Dans la région orale. Dans la région s'est orale. Fait tapoter la glotte. N'hésitez pas à nous laisser des messages en direct hein, sur Twitter et sur Facebook, La Voix du Geek, La Voix avec un E. N'hésitez pas à nous regarder aussi en live sur Twitch, twitch.tv, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Vous êtes actuellement, il y a combien de viewers? Il y a 11 viewers qui nous suivent. Alors il y a Isker qui fait « Mon Brice danse pas mal ». Eh ouais, mais c'est que... Tu sais que j'ai failli faire danser avec les stars. Mais il faisait le prof. Non, je faisais le parquet. Mais j'ai été refusé. C'est ouais, un mec ouais. De chez Saint-Maclou qui a été pris. Ah. Alors les plus jeunes, ils se disent, c'est quoi Saint-Maclou? C'est un magasin, on vend de la moquette. Bon bref, je renvoie la musique des news. Et puis juste avant de parler de l'événement Lego, on va juste faire quelques petites brèves. Très rapidement, juste pour vous informer que la bêta ouverte de Rainbow Six Siege est disponible depuis Rainbow Six Siege. On attend impatiemment le DLC modèle. Fauteuil et canapé ainsi que guéridon et véranda. Voilà, les DLC sont attendus pour le courant de l'année. Bon bref, si vous avez la PS4, téléchargez-la dès aujourd'hui et puis on peut-être et venez qu'on jouer se avec nous. Ouais, peut-être qu'on se croisera. Ah, moi j'y serai. Moi j'ai faim. Moi je le veux ce jeu. Alors Dandy, il est à donf. En plus Dandy ce soir. Il a déjà fait sur PC. Il a fait sur PC ouais. Et ce soir Dandy, vous le voyez peut-être pas, mais là ce soir il pourrait presque avoir un t-shirt Viveldop Dandy. Viveldop. Il a une espèce de coupe de vœux, je comprends pas. Mais j'avoue, mais comment tu fais pour avoir des cheveux aussi cool? Ah, tu veux que je te montre? Alors bah, la coupe de cheveux pour les auditeurs. Le stream va voir comment je fais pour me coiffer le matin. Attention, bah ouais, mais c'est très radiophonique. Hein. En fait, les cheveux c'est un... Ah ouais, bah ouais, carrément. Voyons voir. Oh. Et là, on dirait Kev Adams. Il est dégueulasse. Et voilà. Comment ça, mais tu on dirait Dragon Ball Z après, tu vois. Ah ouais, alors c'est un mélange, on dirait. T'es venu en décapotable ou quoi? Ouais, je comprends carrément. Pas, je fais la même chose. Et franchement. Mais tu mets des mais trucs dans fais, tes cheveux? Tu mets des produits? Ouais, je mets un peu de lac, quoi, le matin pour éviter que le vent, parce que sinon j'ai les vœux tellement souples qu'un coup de vent m'engage à la perruque qui part, quoi. Il se coiffe avec du sein. Ah, j'aimerais trop avoir des cheveux comme ça, en vrai. J'aimerais trop avoir des cheveux. Non, mes cheveux sont pas comme ça, c'est la laque qui les rend comme ça. Tu pourras me donner ta marque? Bon, bref. C'est de la laque naturelle. Bon, bref. Mais t'as touché sa barbe est douce. Il a un petit côté Wolverine. Aussi, c'est parce et qu'elle pas vient que de pousser, la barbe. En fait. Voilà. Bon bref, donc voilà, la bêta Resident Evil 6 Remastered peut-être sur PS4 et One. Ouais. Juste pour en parler rapidement, ça juste vous parle PS4, non. Je crois. Non. Non, ça vous botterait, bah, vous? Bah, t'as vu, il y a même Beyond Two Souls aussi. Oui, alors ça, c'est une autre salade, hein, comme c'est on dit salade, dans le milieu bon, de bah la ouais, cuisine. Ouais, il y a Beyond Two Souls. Ouais. Sur moi, Beyond Two Souls, moi justement, ça me saoule que il commence à trop. Parlez pas tous en même temps, les parents. Ah, parce que les deux, ils ont discussion de comptoir, hein, tu sais. Sur PS Plus, Beyond Two Souls. Non, il va sortir version physique aussi. Oui, mais gratuit. Il y aura, non, il y aura une compilation. Gratuit, bah attends, bien sûr. Et quand tu vas à McDo, tu t'arrives, bonjour, je veux un menu best-of. Ah bah je paye pas, non. J'ai ouais, le gars non, comme ouais. ça. J'essaye à chaque fois, mais ça marche pas. Bon bref, après on va être en retard. A priori, il sera en train d'étudier le DOS pour faire un émulateur PS2 sur PS4. Ah oui, j'ai vu ça. C'est pareil. Pourquoi pas? Ça fera un line-up, hein? Ça fera quoi? Un line-up. Oui. Je te mute. Oh, tout de suite. Et puis, juste pour conclure vite fait, il y a JJ Abrams qui s'est exprimé en disant qu'il avait terminé le montage de Star Wars 7 et qu'il y aurait moins de flare, de lens flare en fait, dans son film, parce que c'est quand même un réalisateur qui est assez moqué, mais qu'on lui reproche beaucoup. Pour les auditeurs, les lens flare, c'est les petits effets de lumière quand tu te prends un laser dans l'œil. Voilà, ça fait une petite traînée de lumière en fait, c'est la lumière qui se reflète dans les miroirs de l'objectif de la caméra, et lui a tendance à en foutre un peu partout, même où des endroits où il n'y a pas de lumière. Ouais. Tu regardes Star Trek, mon pote, c'est un truc de ouf. C'est tout noir. Genre et le mec, il marche dans le désert, quoi. Il est bien, tu vois, il marche tout droit, quoi, et hop, t'as un laser bleu qui passe, quoi. Ouais. Bon, bref, donc il a dit qu'il en mettrait moins. Ça et des mecs essoufflés. Et des mecs essoufflés, ouais. Qui dansent pendant les disques. C'est ça, il y en a plein dans les films de JJ Abrams. C'est le blême. Bon bref, vous avez encore quelques petites news en speed? Ouais, mais moi j'ai plein de petites news en speed. Eh ben allez-y, on fait un petit package. Je commence? Allez, vas-y, fonce. On fait un winzip de mes news. Allez. Alors, Metacritic, qui est le site en gros le plus fiable du monde par rapport aux critiques de jeux vidéo, etc., a balancé que le line-up 2015 de Nintendo était le pire dans toute l'histoire de Nintendo. Voilà. Et je crois qu'on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. Je suis plutôt d'accord qu'ils aillent se faire foutre. Ensuite, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait un Easter egg sur Black Ops 3 qui était assez marrant dans la map Nuketown. Oui. Là, puis voilà. En fait, t'as des espèces de petits mannequins futuristes et quand tu leur tires tous dans la tête, en fait, ils se mettent en mode Weeping Angel. En fait, tu sais, c'est les anges dans Doctor Who qu'il faut pas regarder, sinon ils se téléportent derrière toi, etc. Comme c'est dans le premier épisode, je crois, de Doctor Who, ça. C'est dans un des épisodes les plus célèbres. Ouais. Alors, Eiki, fais gaffe avec ton micro, t'es en train de nous faire exploser. Dans la boîte qui sort le du premier coup. Wow, ah classe, oui, c'est vrai. On va en parler après. Fais vite. Allez, grouille-toi. D'accord. Et du coup, en fait, si tu tires dans la tête de chacun des mannequins, ils finiront par en fait te poursuivre dès que tu n'as pas les yeux rivés sur eux et te taper. C'est assez marrant. Comme dans Alien, quoi. Un peu dans le style, ouais. Et une dernière petite news pour parler du film Ghost in the Shell qui est sorti le 10 novembre. Donc personne n'en a entendu parler. C'est normal, c'est sorti surtout vers le Japon, la Corée, tout ça. N'empêche qu'ils ont balancé une vidéo promotionnelle sur YouTube, un trailer Full HD, voire 4K, voire 5K, un trailer en image de synthèse en fait, où en fait c'est stéréoscopique, en fait tu peux regarder à 360 durant toute la vidéo. Voilà, je balancerai le lien sur la page de La Voix du Geek. C'est carrément hyper beau, hyper plaisant à mater, parce que du coup tu peux regarder un peu où tu veux, et en plus de ça tu vois la construction de la robotette genre à poil, du coup c'est... Est-ce que ça serait pas l'avenir du cinéma en 360 degrés, tu mais vois non, comme l'Oculus Rift n'est pas l'avenir du jeu vidéo, parce que non mais parce que voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'un réalisateur, s'il est là, c'est pour te focus en fait sur quelque chose, et que si tu peux regarder où tu veux, que ce soit dans le jeu vidéo, voilà, si dans les cinématiques la caméra elle est un peu bloquée, c'est pas pour rien en fait, parce que ouais, du coup tu peux très vite regarder à droite, alors sauf sur Resident Evil où si c'est bloqué c'est normal, c'est le jeu en fait. C'est un peu ça, mais ouais, du coup non c'est, je pense pas que ce soit l'avenir du cinéma. Ok, voilà. Bah Kogu ou Dandy, vous avez peut-être une dernière petite news qui traîne? Ouais, moi j'avais une petite news, encore un nouveau DLC sur Rocket League. Ah il oui, va sortir en décembre, le DLC Neo Apocalypte. Cool, oh, c'est cool. Et donc voilà, il va y avoir deux nouveaux véhicules, cinq nouveaux circuits, plein de nouveaux tatouages et tout ça, et on va pouvoir jouer avec la Reaper. Qu'est-ce que c'est, la Reaper? La voiture de Mad Max. Ah trop cool. les gros débiles. Que tu pourras mettre dans ton garage à côté de ta DeLorean que tu as pris au précédent DLC. À 4 euros. Voilà. Et il va y avoir également de nouvelles maps avec des maps inclinées. Ah, c'est pas trop tôt. Voilà ce que je voulais te demander, parce que récemment, ils ont fait une mise à jour avec des ballons carrés, en veux-tu, en voilà, des trucs un peu foufou. Mais des nouvelles maps, ça ferait du bien. Mais quoi. Là, une nouvelle map avec notamment donc un plan incliné, c'est-à-dire que toute la partie tu vas la faire soit en haut, soit en bas, et puis avec la gravité qu'il y aura. Quoi. Voilà. Oui, mais ça, tu vas pouvoir tourner parce que tu vas pouvoir faire différentes manches comme d'accord, ça. D'accord, ok, ça marche. Ok. Ah, ça peut être sympa ça. Ouais. Voilà. Faudrait donc début décembre. Yes. Et toi, Dandy, peut-être rapidement. Oh, bah un petit truc. Oh, bah puisque tu me le demandes. Un petit truc tout bête. Oh, y a un peu plus, je vous le mets quand même. Pour tous ceux qui regardent la télé en ce moment ou pas d'ailleurs. Hein. Non, mais vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui regardent la télé, qu'il y a plus trop de bandes annonces, de pubs ou quoi que ce soit concernant Call of Duty, Fallout 4, Rainbow Six Siege. Si, à partir de la nuit. Oui, ben non, mais suite au récent événement, effectivement, Activision, Bethesda, Ubisoft ont dit, on va éviter de montrer des images de guerre, d'autant plus que quand on regarde l'image, l'artwork de Rainbow Six Siege. Oui. Comment te dire, c'est ouais, assez craint, évocateur en fait. Ouais. Et il y a pas longtemps, la reprise d'Ubi est passée en magasin. Je lui dis, ah, au fait, Rainbow Six et tout, t'as pas de la PLV, je veux mettre en magasin. Mais... Avec cette voix-là, il a fait. Elle me dit, comment te dire, en fait, ils ont tout arrêté, donc plus de campagne promo, plus rien, ils attendent et on n'est même pas sûr que. Peut-être pas parler autant que prévu, mais les gars. Faut pas se laisser avoir. Rainbow Six Siege, c'est là, c'est pour fracasser du terroriste en plus. Entraînez-vous parce que justement, il y a plus le service militaire. Alors, il faut qu'on s'entraîne, les gars. Ça part complètement en couille cette émission. Non, mais bon, c'est pour dire, voilà, c'est un super bon jeu, franchement, qui est super tactique. C'est dommage qu'on n'entende plus trop parler en ce moment parce qu'il sort le 1er décembre. Et allez-y, c'est du pur délire et vous pouvez tester la bêta justement sur la Play en ce moment. Carrément. Eh ben, on en parlera la semaine prochaine. Voilà. On va se tester tout ça tous ensemble. Yes. Tiens, j'avais prévu une petite bande son pour qu'on parle de Lego. En plus, vous allez voir, c'est une bande son qui rend fou. Ah, pas celle de Jurassic génial. Park, s'il te plaît. Non, non. Attention, je lance un appel. Toi qui es dans ta voiture, dans ton autoradio, baisse la vitre un peu plus. Il pleut là. Ah oui, merde. Non. Bon, ferme la capote et baisse la vitre alors. Et mets-moi ça, donc. C'est excellent. Ah, le DJ quoi. Une fois je suis pas mécontent. Attention mesdames, messieurs, ce soir c'est parti en direct dans la voix du geek sur On Air Radio. Je le vois bien, tu sais, dans la piscine à boules à Ikea là, tu sais, avec les platines. Allez les petits, on y va. Ah, moi j'ai été DJ pendant 8 ans au Lego Store. Ah. Ouais, je mixais de la brique là comme ça. Bon bref, on va parler un petit peu. En fait c'est la bande son de Lego le film. Ah bon? Ouais. Ah, je reconnais même pas. Ah, ah si si, ah bah l'air ça rend dingue. Tout le monde connaît comme les jeux Lego. Super génial, mais il y a pas que ça. Oui, voilà, moi je connais que super génial. Enfin, c'est le seul truc qui m'est resté en tête. J'hésite à la mettre, mais le problème c'est qu'après pendant 3 jours t'es comme ça. Tout est super génial. Tu deviens ouf hein. À mon avis, les parents, ils ont autant crisé sur ce morceau que tu sais, pour la Reine des Neiges. C'est ça, c'est la même, ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Bon bref, on va parler un petit peu de Fan de Briques qui se tient ce week-end. Ouais. C'est carrément. Ça. Ouais, ce week-end, ouais. On remet le couvert, on remet ça, on ramène nos briques au Hangar 14. On va envahir les lieux sur deux étages cette fois-ci. Yes. Oh. Ouais. Bah écoute, une fois de plus, le succès au rendez-vous. Donc 23 000 visiteurs l'an dernier sur 2400 mètres carrés. Donc une fois de plus, tout le monde serré. Donc là, premier étage rez-de-chaussée, on passe à 5400 mètres carrés. Et puis vous pouvez vous agrandir en temps réel avec les briques, les machins. C'est ça, oui, c'est un peu l'avantage. Ouais, ah bah j'ai vu les plans, ils vont faire un truc super. Hein. C'est ça. Ouais, on a déjà donné un peu envie aux gens de venir, effectivement, en dévoilant le plan avec tous nos affoles, donc nos adultes fans of Lego qui viennent présenter leur création. Quasiment une petite centaine cette année. Ouais, c'est cool. Voilà. Petite centaine, ouais. Ouais, ça va. Il commence à y avoir du monde. Tous les thèmes représentés, il y a du Star Wars forcément. Ouais. Avec des AT-AT, ouais, il y en a aussi. Cool. Voilà. Ça y est, j'ai craqué, j'en ai acheté un. Ah, je l'ai eu pour Noël même. Noël, lequel? Dernier. Déjà? Ah, il y a de l'avance. Attends, mais on est le combien? je fais une dédicace. Je fais une dédicace à Zezette. Ma chérie qui est magnifique, t'as pas besoin d'avoir une pipe à bulles pour mener l'enquête. C'est moi qui ai reçu le mail parce qu'elle a été à Lego Store, sûrement pour faire un achat. Et elle a mis la carte Lego à mon nom. Donc c'est moi qui ai reçu la confirmation d'adresse mail. Donc j'ai reçu en gros un mail genre Monsieur Gandway, vous venez de faire un achat au Lego Store. Voulez-vous souscrire votre... Oui. Tu vois, comme Amazon, tu sais. Maintenant on a deux comptes différents, mais Amazon, il y a une année, elle m'avait offert une machine à popcorn. Et genre, je vais sur Amazon, tu vois, et puis c'était les pubs ciblées. Vous venez d'acheter une machine à popcorn, nous vous proposons un fer à lisser. Lâchons-nous. Apparemment, tu t'es plus servi du fer à lisser quand même. Bon, bref, c'est une parenthèse. On remet ça, on développe encore plus. C'est vrai que l'an dernier, on a toujours développé nos animations parce que on veut pas que ça soit amusé, on veut que les gens viennent pour s'amuser et toucher du Lego, parce que regarder et pas toucher, c'est frustrant au possible, surtout pour du Lego. Est-ce que vous prévoyez quand même des chaussures de sécurité? Alors, on prévoit même l'inverse, c'est-à-dire que cette année, je mets un Lego Firewalk, donc les gens pourront se lancer les défis de marcher sur des Lego, justement. Je crois qu'il va y avoir des morts là-bas. Ah bah, marcher sur un Lego en chaussettes. Ouais, alors un Lego, c'est traître. Sur un tapis de Lego, ça le fait. J'ai ça testé, va. Donc il y aura l'occasion de le tester justement. La bonne vieille légende du Lego, on l'a prévu justement. Tout le monde nous en parle à chaque fois. Là, vous testerez. Petit défi entre amis, histoire de cap ou pas cap. Ça, les enfants toujours. C'est pour eux à la base. Donc yes. Avant, on pourrait pas. Les gens, tu marchais sur des braises, maintenant tu dois marcher sur des Legos. C'est ça. Arrive à le faire et on en reparle après. Voilà, donc ouais. Petit 125 mètres carrés de Lego au sol pour les enfants. Voilà. Classe. Voilà, l'an dernier, c'est vrai que. Il va y avoir du vol. Hein. Ah oui. Wow. Je vais envoyer ma fille plein les poches. Jusqu'à ça sera la quatrième année. Jusqu'à présent, on n'a pas. Alors, il y a sûrement un peu d'évaporation. Ça serait mentir qu'il n'y a pas une petite brique qui disparaît. Mais c'est franchement, c'est vraiment anecdotique. Les gens viennent pour jouer et. Les enfants, c'est plus les adultes. Hein. Ouais, non, mais clairement. Faut pas se leurrer. Mais non, ça reste bon enfant. On a sûrement quelques briques sur du vrac qui disparaissent. On le sait, de toute façon, on le fait en connaissance de cause. Mais franchement, on est agréablement surpris. Les gens, des fois, se bousculent un petit peu, vu l'affluence. C'est pour ça que c'est arrivé. Et ils cassent les structures. Tu vois le mec qui part avec l'étoile noire sous le bras, comme ça allait être ma deuxième question, du coup, derrière. C'est s'il y avait déjà eu, du coup, comme ça, de la casse avec des gros éléments, de grosses structures. Non, parce que voilà, on soigne nos stands de manière à éviter ça. Mmh. Et puis, ben après, c'est pas de la casse, ça se démonte, c'est du Lego. Donc, si on a peur que ça se démonte, on les laisse à la maison, on les amène, sachant qu'il y a toujours un risque. Après, il y a quand même une distance de sécurité entre guillemets. Il y en a qui mettent de la laque dessus. Oh malheureux. Alors, non. Alors, il y a pas ce phénomène-là, ça existe. Et effectivement, il y a différentes phases dans le Lego. Il y a le mec qui est Lego pur, il y a celui qui va faire un peu de custom. Alors, ça va être de la décalco. Il y en a qui font de la peinture, c'est vrai. Mmh. Alors, moins parce que le panel de couleurs s'est étoffé, notamment au niveau du choix des pièces dans les couleurs, mais ça existe. Après, le mec il a un but précis, un modèle à faire en Lego, ça existe pas, mais voilà. Il y a celui qui collectionne le Lego et celui qui collectionne les véhicules militaires, par exemple. Donc lui il veut des véhicules militaires en Lego, Lego fait pas, après à lui trouver les moyens de le faire. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de choquant, c'est rare sur des expos comme la nôtre, mais ça existe, ça fait partie aussi du Lego. Yes. D'ailleurs, tiens, tu parles de ça. Cette année, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Tous les ans, ils font un concours pour créer des Lego qui seront mis dans le commerce, qui s'appelle les Lego Ideas. Exact. Et cette année, personne a gagné. Non, cette année, c'est vrai que il y avait de belles propositions. Alors, ça discute beaucoup, parce que effectivement, il y a des choses qui, le hélicarrière, par exemple, l'Avengers n'a pas été validé, mais bizarrement est sorti chez Lego. Alors pour les auditeurs, c'est le porte-avions. Le porte-avions volant des Avengers. Qui coûte juste 356,99€. Ouais, il est beau. Mais c'est vrai que l'année dernière, il avait été, ou il y a deux ans, je crois que c'est ce qui avait gagné, c'était Zelda. Il y avait un panneau Zelda, mais il n'a pas été. Il avait été présélectionné. Ouais. Après, c'est souvent des histoires de droits et de faisabilité. Ouais. Les droits Lego arrivent à en acheter, mais c'est compliqué. Ouais. Les boîtes Lego déjà Nintendo, sont chères, les droits c'est chaud. Voilà. Et si en plus derrière faut rajouter une licence qui est hors de prix. Et puis Lego veut un peu se détacher de certaines grandes marques aussi. Ils veulent pas être trop associés. Ils se sont un peu cassés les dents il y a quelques temps sur une marque Shell, par exemple. Hein. Shell? Ouais, ça leur a coûté cher. Ah, Shell, si, c'est les carburants. Ouais, c'est ça, exactement. Ça leur a coûté Shell. C'est ça, yes. Oh là là. Elle a failli m'échapper, celle-là. Ouais. La blague roumaine, quoi. Voilà. Oh, je rigole. Ça fait un partout. Ouais, partout, ouais, c'est clair. Non, voilà, donc Greenpeace s'en est pris à Lego en disant, oui, vous incitez les enfants à consommer du carburant. Ouais. Ils ont été la chercher loin quand même. Là, oui, donc, c'est clair. Donc Lego a dit qu'il il arrêtait son partenariat une fois qu'il serait arrivé à terme en 2016, et quand même ils sont pas fous, voilà. Hein. Mais ils essayent de pas trop s'associer à des grandes marques pour éviter tout souci comme ça. Mais du coup, il y a des Lego Portal maintenant et tout avec le dernier jeu là. Lego Dimension, ouais. Et ben justement, je voulais qu'on en parle. Ben écoute, la dernière console que j'ai à la maison, je crois que c'est une Master System avec Alex qui l'a intégré, voilà. Ah bah t'es autant à la page que Goustic. J'ai trois hardcore gamers. Si, j'ai une PS2, Non, effectivement, j'ai arrêté de jouer aux consoles, mais effectivement Lego Dimension plus effectivement Star Wars Battlefront aussi, tu vois là, c'est en train de la PS4. Alors par exemple, si Lego Dimension il t'intéresse, je te le dis tout de suite. Non. Ouais, je sais. Alors après, c'est le côté puriste et collectionneur. Voilà. J'ai lu beaucoup de choses, effectivement, voilà. Après, à la limite, je vais peut-être même pas prendre le jeu, mais rien que les minifigs. Ouais, il y a des minifigs Docteur Who, il y a des minifigs qui sont en série limitée. Alors certains achètent pour les puces pour le jeu, revendent les minifigs, donc il y a moyen de tout s'arranger, je pense, avec d'autres. Bah, c'est là où ils ont été forts, parce que du coup, chacun va aller prendre l'élément Lego dimension qui va lui plaire. Quoi. Bah, c'est à la carte. C'est exactement ça. De toute façon, c'est ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que j'allais lui demander, est-ce qu'un jour, on va pas arriver carrément en disant, bah, comme le gars qui collectionnait les véhicules militaires, de faire bah, voilà, des véhicules que pour lui dire, voilà, moi, je commande... quelque chose Lego, ou est-ce qu'on va pas pouvoir faire bientôt toute sa famille en petit Lego en envoyant sa photo? Lego l'a eu fait en fait, ça, avec il y a LDD, Lego Digital Designer, qui est un logiciel qui est gratuit fourni par Lego, qui permet d'utiliser toutes les briques créées par Lego. D'accord. Et de construire virtuellement sa propre création. Quoi. Ouais, donc je l'avais sur mon ancien ordi. Il est très sympathique et c'est assez simple. Tout comme Lego World. Je sais pas si tu y as joué sur PC, Lego Worlds. Oui, voilà. Mais le voilà, Minecraft Lego, c'est ça. Mais LDD, Lego Digital Designer, permettait à une époque de commander ensuite la boîte qu'on avait créée. Ouais. Mais pour des coûts de production, c'était trop élevé. Ouais, ça revenait trop cher à Lego. Les boîtes étaient pas si chères que ça, mais en main d'œuvre, une boîte à l'unité, c'est pas très rentable. Ouais, c'est tu m'étonnes. Mais après, à nous de le faire. Faut robotiser tout ça. Quoi. Faut se faire une boîte La Voix du Geek. Ouais, bah déjà que j'écris La Voix du Geek, la comédie musicale. on dit je peux pas être partout. LTEP, en Lego tout est possible. Je suis sur les Corées là déjà. Bon, ouais. Mais ouais, non, c'est clair, en Lego tout est possible. D'ailleurs, il y a un mini festival de films. Oui, alors en voilà, stop motion. Ça c'est cool ça. On a proposé aux tous les fans de Lego de nous proposer leur petit brick film en stop motion. Il y en a déjà une dizaine qui a été présélectionnée, qui est sur un site Hot Bricks où les gens peuvent voter. Il y a le vote du public, il y a le jury, voilà. On veut vraiment que les gens soient, que ça soit participatif et qu'ils puissent venir après sur place aussi avec Maxime Marion, qui est un réalisateur professionnel, qui puisse venir en fait voir comment on fait un film et voir qu'en fin de compte c'est accessible à beaucoup. Et que beaucoup d'enfants font des films très sympathiques. C'est pas forcément la qualité visuelle. J'avais essayé mais avec scénario, mon frère. C'est sympa, il y a longtemps, vraiment très longtemps. Ouais, non, mais c'est hyper sympa. Sympa, c'est ludique, on passe des bons moments, voilà. Et puis aussi, ouais, après de l'art aussi. Deuxième festival dans Fans de Briques, voilà, art en briques, avec des graffeurs, mosaïstes, ébénistes. On a invité ébéniste en Lego avec le marteau. C'est ça, mais en fait, le mec, il a créé des minifigs en bois. Non. Si. Des petits Lego en bois. C'est ça, il a fait des mini-figurines attention, en bois. Le truc collector de ouf, mon pote. C'est ça, et donc on a aussi des mosaïstes, donc, qui font des mosaïques Lego, bien sûr. On a peintre, on a graffeur, on a lens, t'as le ferrailleur aussi. Et c'est ça, yes. Je suis sûr. Ouais. Ouais, bah, tu vois. Ça y est. Voilà, ferrailleur. Ça y est, il a validé. Goustique s'y est mis. Voilà. Et on peut pas s'acheter bientôt une maison Lego et vivre dedans? Alors la maison Lego a été faite déjà par oui. Et mais moi je suis au top des questions des trucs qui sont déjà faits depuis 10 ans. Et oui, en avant-première 10 ans plus tard donc. Et oui, c'était pas un animateur télé? Si, c'est un des animateurs de l'émission sur les voitures. Ah, mais oui, voilà. Ça doit être hyper chiant chez toi de marcher sur des espaces. C'est surtout hyper chiant parce que c'est pas étanche, donc en fait le gros souci c'est que tout ce qui est haut à l'intérieur c'est pas jointé, donc autant dire que les chiottes, le lavabo, le verre d'eau, c'était compliqué. Mais la maison était faite, elle avait été construite par des écoles qui construisaient des briques géantes avec les briques classiques. Et malheureusement, pour la petite histoire, là où c'est pas globe du tout, c'est qu'elle a été détruite à grands coups de bulldozer au lieu de redonner les briques aux écoles, ce qui aurait été beaucoup plus cool. Elle a été détruite à la sauvage. Bon, c'est le petit plus à l'anglaise, ça. C'est ça, voilà, oui. Ils sont cons, quoi. Et... ça coûte une fortune, en plus. C'est ça, no comment. Putain, c'est le mec dedans avec son bidon, il va dire je vais me faire un kiff là, allez, bam. Lui, peut-être qu'il s'est fait plaisir quelque part. Comme le père de Malcolm dans un épisode avec où, le compresseur, avec un rouleau compresseur, il achète un rouleau de papier bulle et waya, il fonce dedans comme un ouf. Je pense que le mec a dû se faire plaisir. D'ailleurs, c'est un grave. Papa anglais qui avait marché sur une pièce pieds nus, ça. On en avait parlé, je crois que c'était l'année dernière, mais ça y est, le papier bulle, ils veulent arrêter, il sera différent maintenant. On pourra plus faire pète-pète avec le papier. Oh là là, ça m'est déjà arrivé. Hein, une page se tourne. Je commande toujours des colis et tout, des trucs un peu fragiles, et maintenant c'est des espèces de plus grosses bulles. C'est des brassards. Oui, comme pour aller à la plage. Oui, exactement. Non, moi c'est des espèces de plus grosses bulles. Elles doivent faire, je sais pas, 4 fois la taille d'une bulle normale. Et tu sais, c'est genre 2 couches superposées. Et en fait, t'appuies dessus, ça se dégonfle lentement et ça se regonfle. La frustration du truc. En même temps, en ce moment, c'est pas le moment de faire péter l'emballage de ton pitch n'importe où, quoi. Faire attention. Toi, t'as regardé Topito, toi. Non, j'ai vu passer sur Facebook. Bref, donc oui, ça, je voulais parler. Ah si, tiens, ça, je voulais te demander. Est-ce qu'il y aura, l'année dernière, tu sais, vous avez refait le miroir d'eau en Lego? Alors, cette année aussi, deux mosaïques. Une le samedi, une le dimanche. Voilà. Là, ça sera des visuels Lego un peu à la mode. Il y a du Star Wars. Voilà, et des Avengers, forcément. Donc effectivement, deux mosaïques en fil rouge, 50 000 briques par mosaïque. Toujours pareil, le public qui participe, qui construit. On aura aussi un cyber selfie, un selfie géant. Attends, un selfie géant, c'est-à-dire. C'est ça, un téléphone gigantesque pour se prendre en photo, faire des selfies avec les mascottes. En Lego ? D'accord. Ah, et décoré Lego, ouais, c'est une espèce d'iPhone géant, quoi. Classe ? Ouais, c'est fun. L'Oculus Rift, tiens, t'en as parlé, on en a imagine un. Imagine le nut cupping qu'on peut faire dessus. Et l'Oculus Rift, ça rentre comment avec les Lego du coup? Alors, bonne question, j'ai pas toutes les infos encore, ah. c'est un ami, c'est voilà, on a dans on la a peau d'un Lego. Ouais, et puis tu te. Voilà, il est en train de travailler là-dessus, mais il nous a dit qu'il nous amènerait ça pour histoire de montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on trouve ça fun, on a bien demandé de travailler un peu cool. Sur l'univers Lego. Il y a de la matière à faire, donc effectivement, à côté Minecraft, on en parlait, Lego World aussi. C'est sympa. Il y a de quoi faire. On n'entend pas encore trop parler, mais je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc avec ce jeu. Ouais, mais après c'est alors. Les jeux Lego vont jamais trop décoller, c'est toujours des petits trucs. Alors c'est pareil sur téléphone, j'en ai quelques-uns, mais ça c'est toujours la collectionnalité aiguë, hein. C'est gelé parce que parce que c'est Lego. Après de là à dire que c'est des grands jeux. Bon, ouais. J'ai fait poser une question, mais je m'attends déjà à la réponse. Est-ce qu'être fan de Lego ça coûte cher? Oui, non. Ouais. Ça dépend de ta compagne. Alors ça déjà c'est le facteur principal, ouais, effectivement, c'est la tolérance de madame. Non, après c'est vrai que le Lego ça a un coût. Alors je suis pas neutre forcément, mais quelque part t'investis dans du Lego, c'est pas quelque chose que tu vas jeter. J'ai des Lego de 58 qui sont toujours compatibles avec les Lego de maintenant, donc c'est un vrai investissement. Après, tu peux te limiter aussi. Moi, ma spécialité dans les Lego, c'est tout ce qui est sapeur-pompier. Donc, j'achète tout ce qui est sapeur-pompier chez Lego. Je fais mes propres créations dans ce thème-là. Après, il y en a d'autres, c'est nos limites, quoi. J'en connais, ouais, qui s'endettent pour du Lego. Oh, t'imagines le plus gros coup pour les Lego, en fait, c'est quand t'es obligé de changer de maison parce que t'as plus assez de place pour les mettre. Ouais, ben j'ai signé, ça y est, chez le constructeur. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, non, c'est l'éternel problème. C'est comme toute passion, ça peut être envahissant. T'as des gens qui ont des limites, t'as d'autres qui n'en ont pas. Il faut essayer de trouver un juste milieu, mais ça fait partie de tout univers de passionnés. Ouais. C'est vrai que c'est pas donné. C'est pour ça que j'ai pris la carte de membre. VIP. La carte VIP Lego, quoi. Yes. On va continuer à parler de Lego un petit peu. On va vous parler aussi de Fallout 4, mais avant, faut qu'on s'écoute le disque, mesdames, messieurs, sinon on va être en retard. Est-ce que ça vous va? C'est le disque avec les gangsters marseillais qu'on détresse. Hein, c'est ça, c'est mafia tressée. D'accord, okay. Ça marche. C'est les mafieux tressés. D'accord, ok. Non, ça pète. Alors on revient juste après ça, il est 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek, et nous on revient juste après Mafia Tressée, et arrête ça, bisous. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Allez, on est de retour, on est toujours en direct. Ça va, je vous dérange pas? Ça va, non, ça va. On se demandait comment les gens vont sur Twitch. Eh ben, avec un ordinateur. Non, mais ils vont bien. Ah, comment ils vont dans la vie? Comment ils vont? Ah merde, je crois. Est-ce que ça bouge? On va faire un petit point. Un petit coup. Alors, moi, j'ai essayé de voir sur Twitter, mais faudra que tu m'expliques, parce que les seules news que j'ai, et je sais pas pourquoi, c'est 2DF officiel. Voilà. Donc okay. Je sais pas pourquoi déjà je suis abonné à EDF officiel, hein, parce que je suis sur le compte de La Voix du Geek en plus, je sais pas. Mais c'est parce qu'on avait besoin d'électricité. Ouais, je comprends, ouais, avec les factures, tout ça. Attends, c'est parce que... Hein, parce qu'on est des lumières. Voilà, passé du charbon de bois au jus, bon bref. Non, ça va, ça se parlotte. Si, il y avait une bonne vanne, attends, faut que je la retrouve. Faut que je cherche la bonne vanne. Voilà. Attends, faut que je la retrouve. Ça m'arrange pas, ça. Donc c'est pas Gusty qui est sur le chat. Ouais. Alors il y a John qui nous fait: ma belle-mère s'est mise à Candy Crush Saga et depuis elle nous casse les bonbons. Voilà. Joli. On embrasse toutes les belles-mères qui nous écoutent et je sais qu'elles sont nombreuses. Bref, on va se mettre la bande son de Fallout. On va quand même rappeler les dates de l'event Lego. Fallout, hein, F-A-L-A-A. Il y a cette aise. Oui, Fallout. Fallout. Fallout en Fallout. Novembre. Écoutez-moi cette bande son. Ouais. Ça d'ailleurs, on va en parler. Ça vous rappelle pas le resto où on a été récemment? Moi, pour un PAX? BioShock. C'est la bande son qui passe dans le restaurant. On a été, je me suis PAXé récemment, rappelle-toi. Oui. Ah non, bah, quand tu me dis récemment, moi pour moi c'est 2 semaines. Ah bah c'était il y a un mois. Oui, oui. C'est vrai déjà. Bon, ça va. Un peu plus peut-être. Ouais, plus. Mais c'est vrai qu'il y avait cette musique dans le reste. Oui, oui. Et en fait, à chaque fois qu'on y va, ça me fait penser à Rapture. Ouais, ouais. Parce que c'est toujours le même délire. Tu m'en avais parlé, ouais. Exactement. Bon bref, c'est la okay. bande son. Donc juste avant de parler de Fallout, on va juste rappeler un petit peu les dates. Donc fans de briques Lego, c'est ce week-end, donc samedi et dimanche. Yes. Ouais, samedi dimanche, 28-29, le samedi 9h-20h et 9h-18h le dimanche. Yes, et c'est combien? Je l'ai pas noté du coup. 5€ par personne, oh, et gratuit pour les moins de 3 ans. Ça prestige aussi. Ça... Bon, c'est sûr, c'est pas cher. C'est tourné. Hein. Non, carrément, carrément ouais. plus. Et si vous kiffez les Lego, sincèrement, j'ai l'impression que Bordeaux, et j'adorerais que ça soit le cas, que ça va devenir the place to be, tu sais. Mais c'est, ouais, c'est un peu ce que ça fait, ouais. C'est la plus grande expo de France hein, en termes de visiteurs. Hein. Ah ouais, plus grande de France quoi. Ouais, avant ils étaient à 14 000, nous on a mis la barre à 23, donc ouais. Ouais, puis cette année ça va exploser. Et je pense qu'on devrait pas être mal encore, ouais. En plus, le hangar 14, il a le vent en poupe cette année, ouais. avec Animasia et tout. Mais on est une ville ultra culturelle, et puis les Go ils sont rentrés dans l'histoire. Et ouais, par contre, tant qu'à faire, ça serait bien qu'ils fassent une vraie salle du coup, parce que il a le vent en poupe certes, mais pour Animasia c'est difficilement vivable quand même. Alors Animasia c'est différent, quoi qu'il y aura autant de monde. Ouais, peut-être moins des fédéré, mais voilà. J'en ai quelques-uns qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir en cosplay. De Lego. D'Elmet. En cosplay d'Elmet. Ouais, alors ouais. On a Elmet et Kultak sur place. Hein. Alors on a aussi un qui va se déguiser en bio-nickel. Voilà, il a créé son armure. Voilà. Son armure. Et c'est dans les visiteurs qui nous ont demandé sur l'adresse de contact s'ils pouvaient venir en cosplay Lego. La classe. Bah ouais. C'est quand même marrant de poser la question, comme si t'allais dire non. Ben, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça. Ben, non, interdit, non. On s'amuse pas ici. Non, c'est sérieux. Comme on dit, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être laissés à des enfants. C'est ça. Je commence à réviser, t'as vu, pour plus tard. Ouais, pour là-bas, ouais. Tout à l'heure, demain. Pas après. Bon, bref, en tout cas, on s'y recroisera parce que moi je vais y aller, je suis comme un ouf dans cet événement, c'est un truc de dingue, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du magasin Lego? Ouais, non, grand. Il y a du choix. Ouais. Niveau esthétique, les Lego Store français, on n'est pas à la hauteur des Lego Store nord-américains quand même. Yes. Ouais. Bah, en fait, c'est la parenthèse où je me la raconte, mais j'ai fait celui de Tokyo. Oui. Et il est plus petit que celui de Bordeaux. Ah oui. Ouais. Mais alors, celui de Bordeaux, c'est le plus grand de France hein, quand même. Ah ouais. Ah bah tu vois. Voilà. Mais c'est les gens sont plus petits là-bas, c'est pour ça. C'est ça. Il est à l'échelle en fait. Tu rentres, bon, sans perdre les pompettes, c'est des hobbits ou quoi. Moi, je me suis senti chez moi là-bas. Non, c'est à Bordeaux, c'est l'escalier central qui tue un peu le truc. Ouais, pense, ouais c'est vrai. Ouais, mais ce qui m'étonne, moi, je m'attendais un peu parce qu'à Tokyo, tu vois, il y avait que des petits sets, donc que des petites boîtes. Il y avait beaucoup de Tortues Ninja d'ailleurs. Et là, ce qui m'a étonné à Bordeaux, c'est qu'il y avait des grosses boîtes bien chères, genre la Batmobile en Lego. Truc de malade. Oui, non, mais tout est parti. Ils ont vraiment tout le choix. Les Wally, en fait, moi j'en ai eu un le soir de l'inauguration. Le lendemain, il n'y en avait plus. Ah, je savais même pas qu'il était sorti. C'est un IDEAS aussi. IDEAS, yes. IDEAS, ouais. Ouais, c'est mon anglais qui est un petit peu approximatif. Tu vas t'y faire. D'ailleurs, on aura des cours d'anglais dédiés au Lego sur place. Donc tu viens et. Je prends ça comme un message. Ouais, c'est une petite invitation. Allez, c'est vrai, pas de soucis. Il serait temps, l'infernal. Il serait temps. Ouais, je fais ce que je peux. Ah, c'est bien. J'ai quand même réussi à revenir du Japon. J'aurais pu acheter là-bas. Si tu as un doute sur les titres de jeu, tu peux taper dans Google Trad, il te le dira bien. Ah ouais, mais en direct là, ça va être compliqué. Bon, attendez, j'arrive parce que là, on va faire le test. Ah, attends, je regarde. Avec une voix robotique, tu sais. Fin la voix. Pas la Watt, c'est la Watt qu'elle préfère. Allez, je fais un petit tour du propriétaire. Alors c'est Mélanie qui a écrit, on n'est pas dans la merde. C'est édité et développé par Bethesda. C'est sorti le 10 novembre 2015. C'est un FPS RPG, c'est interdit au moins de 18 ans. Sorti sur One, PS4 et PC. Bah moi je dis qu'elle avait bien fait son taf. Ouais. Pourtant elle écrit bon avec boulot. Les pieds, mais tu sais, c'est elle qui sonne à la porte, qui essaye de te vendre des tableaux que le mec il peint avec les pieds là. C'est elle arrondit les fins de moi comme ça. Yes, quelqu'un qui a joué déjà autour de la table? Pas moi. Ah, ok. Est-ce que c'est une licence qui te parle un peu, Christophe? Fallout. Fallout, ben, comme je dis, oui, Fallout Shelter, moi, sur téléphone. Après, c'est vrai que les consoles, j'ai un peu lâché. Pas à cause, mais grâce au Lego, on va dire ça comme ça. On peut pas faire les deux en même temps, c'est compliqué. Ouais, je voulais dire ça tout à l'heure. Tu parlais des jeux Lego et tout. Ouais. Les jeux Lego en soi, je suis pas contre. Lego Batman, Indiana Jones, tout ça. Mais soi. les jeux. Ouais, ah, putain, merde. Mais les jeux de construction à la Minecraft, je suis totalement contre. Un Lego, c'est un puzzle en 3D, ma gueule. Et t'as vu, quand il dit des mots comme ça, c'est qu'il est pas bien, le mec. Moi, j'ai trouvé le Lego Minecraft, Worms pas mal. Non, je suis pas contre Minecraft, mais tu fais du Lego, tu le fais en vrai, quoi. C'est du concret, il faut qu'il touche, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. C'est tactile, le Lego, c'est vrai. Oui. Tu sais, c'est une matière. Oui, non, tu la sens sous tes doigts. Tu vois? Sous les pieds aussi. Sous les pieds aussi. Ouais. Non mais carrément. Ouais. Donc voilà, je suis pas trop pour Lego Hero, c'est ça? Non, Lego World. Lego World. D'ailleurs, il y a Sony il y a pas longtemps là qui a annoncé sa copie de Minecraft avec des portails pendant la Paris Games Week. Sa copine Minecraft. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ce fameux jeu. Qui est bien merdique, ouais, d'ailleurs. Ouais. Hein, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas la PlayStation. Putain, on s'égare. Il n'y a pas la PlayStation Experience dans pas longtemps, là? Je sais pas. C'est, demain. Si. Bientôt. C'est maintenant, en ce moment même. Ah merde. Ouais. Bon, on coupe. Ah, putain. Bon, faudra qu'on suive ça, et puis on débriefera tout ça. Bon, bref, on va revenir sur Fallout, Fallout 4. Attends. Fallout. Non, merde, comment Fallout. Tu dis? Fallout. Fallout 4. Salut. Hey, yes, it is. PlayStation Experience, si tu... je fais juste le break, c'est 5 et 6 décembre. Ok, ouais, bon, si on débriefera ça. Version américaine, c'est Fallout. Fallout 4. Fallout 4. Ouais. Yes, là, it is. Ah, tout de suite quand tu dis ça avec le... Yeah. In the new world of the one again. In the world of darkness. Yeah. Just one. Fallout 4, yes it is. Bon bref. Yes it is. Quelqu'un nous fait le point sur l'histoire, les poulets? Moi? Moi j'ai pas fait le jeu. Non, parce que je meurs quoi. J'ai pas fait le jeu, mais si tu veux, je te fais l'histoire. Bah voilà, bah voilà, très bien. Ah bah comme vous voulez. Comme ça c'est original. Allez. Donc, t'es une famille dans un futur un peu kitsch américain, hein, le genre de futur qu'on croyait que ce serait le futur dans il y a 20 ans en fait. 2077. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, tu vis tranquillement avec ta petite femme et ton petit gosse et ton petit robot. Et en fait, le problème c'est que voilà, il y a une catastrophe nucléaire que tu vas au dernier moment en fait. T'abriter dans le l'abri dans 111, l'abri 111, voilà, qui est réputé et qui est très célèbre à la série Fallout. Le problème c'est que ta femme, ton enfant, tout ça, ils ont pas pu s'abriter avec toi. Et du coup, grosse erreur. Ouais, grosse erreur. Tu vois, le mec a pas joué au jeu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors la en fait femme, oui, ta non. femme et ton gosse viennent avec toi. Ah ouais? Dans l'abri. Ah oui, et il y a non, un non, il est laisse. Ah ouais. Non, non. Voilà. Le souci, c'est quelqu'un qui vient tuer ta femme. Voilà. Et ah ouais? Qui lui enlève l'enfant. D'accord. Le but, c'est. Tout prend son sens, il y a un but. Est-ce qu'on n'a pas spoilé un petit peu là quand même? Non, pas vraiment. C'est le début du jeu, c'est pas vraiment un spoil. Ok. Je vous fais confiance. Je me désolidarise. Tu commences dans. Et puis au pire, s'il y a un problème, hein. Je coupe le cordon, madame. Bien. Et juste après avoir assisté à cette scène-là, donc dans notre capsule cryogénique à nous, ben on se refait cryogéniser par dessus. Exactement. Non, parce qu'en fait, avant, il bossait chez Picard. C'est ça. Et du coup, on finit par sortir de cette capsule. Et on redécouvre l'endroit où on a vécu et il s'est passé 210 ans. Ouais. Yes. Oh. Donc en gros, t'as autant bon dire petit, que ton enfant, toute façon, là, c'est cuit. T'as un bon petit croustibat. Bah, tu sais pas. Ouais, enfin. Oui, d'ailleurs. Attends, voilà, je pense à ça, mais. C'est quoi, t'es con? Tu cherches ton enfant 200 ans plus tard. Mais oui, mais bon, Peut-être qu'il a été. Non, mais attends, là, les gars. Attends, là, je viens de attends, non, je viens de tilter un truc. Attends. Là, vous avez spoilé. Il est 20h16 sur Eau de Radio, là. Vous avez spoilé. Je viens de tilter un truc, quoi. Attends, le mec, en gros, il se réveille d'un sommeil de ouf. Et il cherche son gosse qui en soi a 200 ans et 3 mois quoi. Non mais c'est bon, allez hop, ça dégage, ça demain c'est en d'occasion. Là où vous avez spoilé, c'est que justement, ils essaient de te faire croire que quand ils chopent le gosse, tu te fais recryogéniser, mais en fait, tu penses pas forcément et tu te dis en gros, c'est de suite. Ouais. C'est de suite que tu sors de la capsule. Okay. Et donc ils te font croire que pirouette en fait, scénariste ton le gosse. Le gosse c'est que l'infernel il y est à jouer hein. Le truc c'est que en fait j'ai détesté moi. Ils te font croire que ton gosse vient juste de se faire voler. Sauf qu'en fait, ben je pense que la fin du jeu ça doit être ça, tu dois te dire ah ben en fait mon gosse il est mort, je cours après un fantôme quoi. À mon avis ça doit être ça, je suis pas mais sûr. Comment tu sais dans ce cas-là, c'est à quelle partie sûr. De la là il y a Kogu quand sais... qu'elle regarde dans le vide, il se dit putain ça se trouve c'est ça là. Non, je sais non, pas. Non, non, non. Moi, à mon avis ça doit être ça hein. Mais comment tu sais que ça se passe 200 ans plus tard? Ben ils te le disent. En fait le mais donc à partir de là tu sais que ton gosse il est mort. Non. Ben pas forcément parce que tu sais pas si c'est tu sais pas. Aujourd'hui que ils viennent te le voler ou si entre-temps tu t'es refait cryogéniser, tu vois. Putain, je ils ont peut-être congelé aussi. En gros, je t'explique vite fait. Fais-moi un schéma. Tu es dans ta capsule. Tu te réveilles parce que t'entends un message d'erreur du style attention erreur dans ouais, la capsule machin. Quoi, tu vois des mecs qui arrivent. Erreur qui 404. Voilà. On peut pas afficher la page. I am error. Thermostat en fait, qui est mal régulé. Ils check toutes les capsules et ils voient celle où il y a ta femme et ton gosse. Ta femme, ils ouvrent la truc, elle commence à faire ah non, rendez-moi mon gosse. Ils prennent le gosse, ils lui mettent une balle. Il la viole fait pas, hyper bien. Il la viole pas. Ça a été coupé au montage. D'accord, ok. Et non, et puis en fait, tu vois, toi, ton bonhomme, il est en train de faire et puis d'un coup, je crois qu'il te recryogénise la gueule. C'est Bourville en fait. Attends. Chez vous, fermez les yeux, vous y êtes déjà. Franchement, faudrait faire une chronique. Ce soir, la voix du geek vous invite au rêve. De dandy qui te raconte une histoire quoi. Donc vas-y, ouais. Donc ouais, en fait, ton perso commence à péter un câble, sauf qu'il s'arrête vite parce qu'il redevient croustibat. Sauf que direct après, tu sais, ils te font pareil, la glace qu'ils font en disant attention, erreur. Donc tu te dis, bah en fait, le mec a essayé de me recongeler, mais ça a pas marché. Ok. Donc du coup, tu sors de ta capsule. Ok. Sauf qu'en fait, je crois que ce qu'ils essaient de te faire croire, c'est ça, mais qu'en réalité, tu t'es vraiment refait congeler par-dessus le vol de ton gosse. Et que du coup, tu sors 200 ans plus tard et que tu cherches un cadavre. À mon avis, ça doit être ça. Alors attends, je suis désolé pour les autres. Il y a Moumoud qui est en train de débriefer ça, il fait, mais non, bordel. Mais ouais, c'est ça, ils disent que des bêtises. Donc, je sais pas. En une phrase, Moumoud, si tu peux, essaye de nous résumer l'histoire. C'est fou, quand non, même. Non, mais en fait, le truc, c'est ça. C'est juste l'histoire. Tu te fais cryogéniser. Ton gosse se fait enlever devant toi et t'es recryogénisé. Et puis tu sors et puis tu cherches ton gosse. Je sais pas quand est-ce que c'est exactement. Ça, c'est encore un coup du lobby des congélateurs et tout ça. Ah oui, d'accord. Donc, ok, je viens de tilter à peu près. Ok, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le point sur l'histoire. Moumoud. D'une phrase rapide et concise. Essaye de nous, voilà. Bref, donc voilà, ça se passe à Boston, dans la ville de Boston, et on se retrouve un petit peu où ce qu'il en reste, donc ce qui s'appelle maintenant le Commonwealth. Le Commonwealth. Donc c'est une espèce de c'est une grande région où cohabitent et des bestioles qui ont subi des radiations. Il y a quelques petits groupes de rebelles. Alors il y a la communauté du rail, je crois. Confrérie de l'acier. La confrérie de l'acier, ouais. J'avais compris la confrérie de l'acier, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont pris? Ah, c'est une confrérie, t'arrives, mon gars, c'est la top. Ah, ils sont tous comme ça, ils sautent sur place et tout. Alors là, mon pote, j'ai 2-3 catapilés, mon petit gars, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. T'imagines? La confrérie du rail, ça aurait pu être sympa. Moi, le con, c'est bon, ça. Ah, mais grave. Donc, il y a ça, et du coup, on part à la recherche, donc, de notre enfant. De Sean. De Jason! Ou du moins. Sean. C'est un petit peu le leitmotiv. Du moins, ce qu'il en reste. Donc dans l'idée, on va parler un petit peu de l'univers et des graphismes avant de rentrer dans le gras avec le gameplay qui est quand même assez spécial. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est que c'est un jeu, alors je vais me faire ouhouter. Je me ouhoute tout seul, c'est un jeu, j'ai pas du tout accroché, moi. Sincèrement, je... Disons qu'il y a un public. Parce que je pense que c'est pas ton gameplay de jeu. C'est ça. C'est pas mon tempérament, je pense. C'est trop mou, quoi. Faut trop réfléchir. Faut trop aller lentement. T'aimes pas être trop lâché, toi, j'ai remarqué. Trop lâché. Dès qu'on te lâche trop dans la campagne, dernière fois on t'a lâché à Péberlan, t'es revenu, t'étais tout rouge. Bah ouais. Hein, mais moi le problème c'est que si tu me lâches, je vois un papillon, je peux le suivre pendant 4 heures. Voilà. Pareil au Lego Store, faut pas le lâcher. Voilà. Oh malheureux. Voilà, c'est sa banquière qui est toute rouge après. Ouais. On embrasse Mélanie. Tiens. La banquière. Non mais voilà. Alors graphiquement c'est pas si mal. Il y a une vraie patte quand même. Il y a une vraie patte. C'est pas un jeu qui est transcendant de beauté. Non, on l'a fait sur PS4. Il y a des moments qui sont très jolis, sincèrement. Il y a des moments qui sont très moches, quoi. Mais je pense que c'est voulu. Enfin, après une guerre apocalyptique, ce qui s'est passé, la ville pouvait pas être belle de toute façon. Après, je parle de direction artistique. Non. Oui, mais même en termes de direction artistique. Je parle que c'est pas beau techniquement. Oh si. Ah non, attends, il y a des moments quand il y a des personnages qui parlent. Ah oui, ah, les visages. Contre, sur les visages, oui, mais certains, attends, c'est ouais, le nucléaire, ouais. Ça part en couille un visage après une explosion. Ah bah là. Les textures pareilles après. Il y a un personnage qui ressemble à Lou Denis dans Scène de ménage, là, le Black. Ah ouais. Ouais. Bah il a pris cher Jean-Jean. Hein. Bah, il va pas Scène de ménager beaucoup maintenant. Ah, les ghouls sont bien faites. Alors après voilà, il y a des. Alors j'ai une petite question moi parce que j'ai vu plein de gifs sur Nine Gag etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai vu des singes et des plus gros singes. Et c'est quoi ces singes là? Tu jouais pas Donkey Kong plutôt? J'ai vu des gorilles, des espèces de gorilles. Moi j'en ai pas vu. Non, moi les seuls singes que j'ai vus, c'est sérieux ceux qui ont des petites cymbales comme ça. Et j'en vois un, je lui mets un kick. Non, comme dans la vraie vie. Après, quoi. Après, c'était peut-être un espèce de singe mutant. En fait, eux, quand ils te chopent, ils font du bruit. Ouais. En fait, quand tu passes devant. Ah de chopper, ouais, c'est une caméra de sécurité, quoi. Ah. Ok, donc il n'y a pas de gorille dans le jeu. Bah, peut-être plus tard. Parce que peut-être après regarder des modes. Ouais, voilà, peut-être que le mec a modé son jeu comme un connard et voilà. Ouais. Ok. Bon, excusez-moi de cette intervention. Il y a de très grosses créatures, puisque t'as notamment un trophée qui est avoir chassé les 5 plus grosses créatures du jeu. Alors, il y a un truc qui est... J'ai une anecdote marrante. Allez, vas-y. À propos de ça, je jouais à Fallout avec un pote chez lui. Et tu sais, il y a des espèces de... Je crois qu'on appelle ça... Les écorcheurs. Ouais, et au bout d'un moment, t'as le premier écorcheur qui est gigantesque là. Ouais. Et c'était moi qui jouais. Et j'avais un espèce de sniper, un truc bien balèze quand même. Et genre mon pote, il m'en a parlé pendant 20 minutes en me disant qu'il était hyper chaud, etc. Et dès que je l'ai vu, j'ai paniqué et je lui ai mis un headshot. Et du coup, il est mort direct. Alors, ça devait pas être un écorcheur. Ouais, il était très gros. Il était très gros. Il était très gros. J'ai fait le décompte d'un des premiers écorcheurs que tu trouves dans le musée de l'épouvante. C'est au tout début. T'es en hauteur et tu récupères la première armure. T'es dans une espèce de manoir défoncé. Tu tombes sur une créature qui est presque plus grosse que le manoir à l'intérieur d'une pièce. Et il m'a fallu, je crois que j'avais fait le décompte, 9 grenades à fragmentation, 140 cartouches de 10 mm, une cinquantaine de munitions. Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, j'ai dû partir pendant le combat, revenir à Diamond City, racheter des munes. Ah ouais, le non, mais mec, carrément. Il m'a attendu, il était toujours dans la pièce. Et je suis rentré, et je crois que c'est là que le jeu, il a pas trop aimé, du coup, que je sois parti à Diamond City. Puisque du coup, l'écorcheur, il est resté au fond de sa pièce, à me regarder. Il beuglait un peu, il bougeait un peu les bras, mais c'est tout. Donc du coup, il a pas bougé, j'ai pu le terminer. Mais ça m'a à coûté coup de couteau, comme un ça. Bras, quoi. En fait, Eiki, toi, t'as tué. Il y avait un personnage qui se promenait avec un ballon. C'est ça, ouais. C'est le truc qu'on fait à l'hélium là. Il est passé et pam. Ah bah, j'ai pas dit que. Headshot, mon pote. C'est pas le gamin qui cherche d'ailleurs qui l'a mis. C'est chaud, en fait. Ah ben voilà pourquoi. Ah bah, 200 pas. Ans, les poils, tout ça, quoi. Oh, c'est la nature, chaud. Le nucléaire. J'ai tué Sean, quoi. Direct, boum. Oh merde. Fin du jeu. Donc voilà, non, on avance dans un univers qui est quand même bien cool. Il y a un bon côté années 50 qui est assez classe. Ah, grave. Avec des diners. Il y a des espèces de, comment on appelle les ça? Les Red Rockets. Yes! C'est les stations essence un peu, tu sais, avec le côté resto à l'américaine. Ouais, carrément. Avec la petite banquette, ouais, les petits tabourets, très sympa. Les banquettes ouais. En cuir rouge et tout le comptoir à lui, quoi. C'est ça. Carrément. Pour les auditeurs, ça rappelle un peu le film Grease. Et puis tu en parlais la dernière fois, les drive-in. Oui, les voilà. Cinéma plein air avec les parkings où tu gardes ta bagnole et qui est pas mal aussi. Carrément. Donc on évolue un peu là-dedans. Donc ça, c'est pas si mal quand même. C'est un peu de futuriste, du coup, kitsch. Alors oui, mais c'est le turfu d'avant. Ouais. Tu vois, c'est comme on disait la semaine dernière, c'est un futur d'avant, de plus tard, qui a été niqué par une bombe nucléaire. C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que tu reviens dans un vieux futur. C'est les années 50, mais en 2077. Tu vois, c'est comme dans Alien. Alien, ça se passe en 2200 et des bananes, sauf qu'ils reviennent, ils vont dans le Nostromo, qui est un vaisseau des années 70. Donc, t'arrives, et c'est le turfu des années 70, quoi. D'accord. Donc, t'as les combinaisons avec des pattes d'ef et tout. Ouais, tout c'est cool. Ah oui, c'est ça. En termes d'ambiance, l'ambiance, c'est longtemps génial. Que j'avais pas été dans un jeu vraiment comme ça, où quand tu te balades, le craquement du plancher dans les baraques, ça te fait juste mais flipper vraiment. Et tu peux même régler le volume de tes pas. Ouais, mais c'est ça. Le moindre bruit te rend psychotique parce que souvent, enfin, quand tu te retrouves dans une baraque tout seul, tu dis ah ça sent pas bon. Et puis t'entends un petit bruit, tu te retournes, c'est rien. Et puis et des fois c'est ton familier juste qui te passe comme ça devant le toi, tu fais des bons ou t'entends les petites griffes qui passent et des fois t'entends un bruit, tu te dis bon c'est pas grave, j'ai dû shooter dans un pot de peinture. Et ben en fait c'est une goule qui vient de se réveiller puis qui est en train d'essayer de te bouffer le bras, tu vois. Ah moi j'ai une petite plainte aussi parce que du coup j'y ai joué un peu et pareil, tu sais t'as cette espèce de bazooka qui lance des nukes là, tu sais, le truc hyper puissant, OK. Et un bout d'un moment, j'étais avec un acolyte, tu sais, géré par l'IA. Et ce connard il s'est foutu devant. Non, même pas. C'est genre il y avait un ennemi qui était à bout portant et il a touché à bout portant avec la bombe nucléaire et je suis mort. Avec le Fatman, oui. Non, c'est sûr. Même si t'es à 100 mètres avec le Fatman. Mais c'est quoi le problème de l'IA? J'ai l'impression qu'elle est totalement débile. On va en parler. On va en parler à la fin. Ok, d'accord. Parce sujet controversé. On va essayer d'avancer parce qu'il est déjà 26. Alors ensuite, niveau gameplay. Donc ça commence. On crée son personnage, un garçon ou une fille. Il y a pas mal de choix quand même. Ah, c'est bien poussé. D'ailleurs, j'ai vu des mecs sur internet qui ont fait des visages un peu qui ressemblaient Poutine. Il y avait Poutine, oui, c'est vrai. T'avais Walter White, t'avais Arnold Schwarzenegger qui franchement pas mal hein. Ouais. Franchement, il y avait des bonnes gueules. T'avais le mec de Walking Dead. Beavis et Butthead aussi. Sérieux ? Beavis et Butthead, ouais. Ça c'est classe par contre. Ouais. Ça c'est classe. Ensuite, on nous donne ces 16 points, je crois, ou 26. 21 points. Le compte est bon. On nous donne 21 points donc à répartir, donc on peut choisir, on a de la force, de la perception, de l'endurance, du charisme, de l'intelligence, de l'agilité et de la chance. Tout ça évidemment fait que si on met beaucoup de chance, eh ben on aura de la chance. Je suis trop balèze. Enfin voilà, on fait voler. Moi je sais que dès le départ, j'ai mis de la force et de l'endurance. Ça évite de dès que tu ramasses une petite cuillère, tu sois trop lourd et tu puisses plus courir. Parce que j'aime bien la fuite. Ouais, moi. Je comprends. C'est une technique, hein. Tu sais, tu prends, tu jettes un caillou là-bas. La technique dura, quoi. Voilà. Tu te casses, quoi. Ah ouais, j'ai tout mis en chance, tu vois. C'est vrai? Ouais. Mais j'en ai pas. du coup, en fait, Dandy se promène dans Fallout, il achète des gratte-gratte. Ouais. Ah putain, wouh, 5 ouais, euros. J'ai tous les bureaux de tabac et puis un petit gratte-gratte. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai tout mis en charisme et en intelligence. Comme dans la vraie vie. Absolument. Oh. Voilà, j'ai voulu faire le personnage le plus près de moi. c'était pas mal comme truc, puisqu'avec l'intelligence, oui, tu vas pouvoir t'augmente non seulement l'XP plus vite, et avec le charisme à côté, tu vas pouvoir mener les discussions, imposer tes propres prix, avoir des informations que tu n'aurais pas eu avant, et du coup, enfin, moi, ça m'a permis d'avancer vachement plus. Façon intelligente et charismatique. Moi j'aime bien la chance, t'essaies comme ça et puis un coup sur deux ça marche, un coup ça marche pas, tu mets un coup de pompe et puis voilà, c'est cool. C'est depuis qu'il a bossé à la aux chaussures, ça. Les coups de pompe. Bref, ensuite on a sur le poignet donc un Bebop, ce qui s'appelle Bebop. Ah non, le Bebop c'était le vieux téléphone. Ah, le premier téléphone un portable. Ah, voilà, un Bebop. On a un Bebop, en vrai t'appelles le 12 à Agnières. Tu regarderas, je t'ai laissé un message sur ton tam-tam. Tu sais que j'ai encore un tatou texte à la maison. Joli collector. Ouais. Alors je sais pas si t'appelles, s'il y a quelqu'un au bout du fil encore. Non, je pense pas. Et moi je me rappelle appeler bon les gars, on peut avancer, ouais, un peu. Non mais attends. Non mais le tatou texte pour les plus jeunes, c'était énorme. C'était l'ancêtre du texto. Et genre, fallait que t'appelles dans une cabine téléphonique une meuf et tu lui disais Jean-Jean, oublie pas d'acheter le pain. Et elle l'envoyait à ton pote sous forme de texte. Ah, et ouais. Genre nous, mais ouais grave, tu vois les plus jeunes ils connaissent pas. Ouais. Et genre, mais nous on en attends, c'était... ça c'est le tatou texte, c'était pour ceux qui étaient riches. Ah, ouais. Il y avait sinon, que le tatou, t'avais juste un numéro où tu devais toi après aller dans une cabine téléphonique, rappeler un numéro surtaxé pour savoir qu'il fallait prendre du pain. Et du coup, nous, il y avait des potes qui avaient latin. Tu vois, au collège. Ouais. Et genre, on envoyait les réponses par tatou texte, ma gueule. Et genre, la meuf, on disait, vous écrivez là? Oui, alors, ut, t'es toute la fin des verbes en latin. Ut. Je te dis un truc de ouf, ouais. Mais c'est du morse ou quoi, ton truc? Bon, bref, c'est une parenthèse. Mais on fera une émission sur les tatou textes. Retour vers le Turfu 2, quoi. Donc oui, voilà, on a cette espèce de montre qu'on peut retrouver dans le collector, donc qui gère un petit peu tout. Moi, je trouve que c'est le bordel, c'est pas du tout adapté à la console. Ouais, ça irait bien justement sur la Wii U, où tu peux, comme Zombie U, gérer en temps réel ton truc, machin. Le fait de couper ton jeu avec ça, je trouve que c'est... Eh ben non, parce qu'ils ont sorti une application sur Android et smartphone iOS. Ouais, mais moi j'en ai iOS. Marre de toujours devoir utiliser ma manette plus un téléphone ou une tablette. Tu vas arrêter de te plaindre, oui. Tu vois, avec une tablette, tu pouvais avoir accès, te soigner directement, t'as le plan, et en fait... donc je l'ai pas du tout utilisé. Mais voilà, le mérite d'exister. Non, mais alors après ce Pip-Boy, c'est vrai, ça peut être lourd, mais en définitif, ce qu'on a aussi, c'est quand même avec les quatre croix directionnelles, oui, on a 12 emplacements où on peut personnaliser ce qu'on veut et ce qui est le plus utile. Donc bah, du c'est coup, très bien, ça. Le Pip-Boy, mais... on y va. Attends, Max, pas laisse finir Kogo. Moi, je sais que j'ai tous mes flingues, voilà, que j'ai mis d'un côté. Mes rations pour me soigner, je les ai mises en bas. En haut, ça va être tout ce qui va être les armes de jet. Yes. Et sur le côté, on va mettre les fusils pompes et les fusils snipers. Donc, du coup, voilà, j'ai. Ouais, t'as tout à la main, quoi. J'ai tout à la main. Et du coup, en simplement appuyant sur la croix directionnelle, ça évite à chaque fois de rentrer dans le Pip-Boy. Le Pip-Boy, ça va être uniquement pour aller chercher le lieu d'une autre mission ou. Yes. Tu voulais dire quoi, toi, Max, du coup? Bah, moi, ça me fait un peu chier. En fait, parce que dès qu'il s'agit de trucs qui sont pas pré-customisés, en fait, la plupart du temps, je me retrouve à avoir des conneries dans cet inventaire. Genre des trucs qui te servent pas, tu sais, j'imagine, tu ramasses des chaussures, tout ça, je vais finir par avoir des chaussures à signer. Tout sert dans ce jeu, non. C'est ça qui est génial. Tu vas trouver des godasses, tu vas pouvoir le recycler en caoutchouc, cuir, ouais. Ou en cuir, ou en. Tout, après pour le housing, ça va être hyper important. Ouais. Mais vraiment, ouais. Non, ça sert, faut tout ramasser, quoi. Et tu peux remplir tes partenaires, chose que j'aime. Je pense que tu peux t'arrêter en là. Tout bien, tout honneur. Tu peux remplir tes partenaires, à savoir que ce sont souvent des femmes et des chiens, en plus. C'est vrai. Mais c'est fort utile, parce que moi, je lui fais un bisou, c'est Raptou qui m'avait donné le truc quand je l'ai vu remplir son partenaire. Et du coup, c'est pas plus mal, parce que ça évite pas mal d'aller-retour, ouais. Et ils prennent cher quand même. Hein. Ils se chargent beaucoup. Ouais. C'est-à-dire, ils ont à peu près 400 trucs dans les poches. Ouais, c'est des mules, quoi. Et des fois, ils sont sympas. Ils te donnent à bouffer quand tu vois que t'as de la santé en moins. Et tu peux avoir une relation avec eux. Oui. Une vraie. J'ai essayé avec le chien, mais c'est pas top. Comme dans Dragon. J'ai conclu avec Piper, c'est bon, on est ensemble. Ah yes. Ah vous, genre tu peux te mettre avec quelqu'un et absolument, tout. Absolument. Je crois qu'elle m'a friendzone. Tu t'appelles ma chérie. Ouais, ouais. Et puis quand tu fais des actions, tu vois des petits encarts en disant tiens, Piper a vachement aimé ce que t'as fait. Et est-ce que genre ces acolytes là, ils peuvent mourir à tout moment? Ouais, non, alors ils peuvent mourir. Ils peuvent être en fait HS. Ouais, ils tombent sur le cul. Et avec une piqûre un de Steam Pack, hop, tu les remets. Mais en si même t'en temps, as pas si tu ben, si t'en as pas, tu laisses faire. Et au bout d'un moment, une fois que toi t'es soit mort, soit t'as fini de buter tout le monde, généralement dans les deux minutes, hop, ils repop à peu près en pleine santé. Alors on va en parler hein, quand même. Hein. Ah vas-y, parce que j'ai encore deux trois trucs dans les PNJ. Voilà, alors les PNJ, les IA, etc. Déjà, on en avait parlé la dernière fois. On a dit que les pathfinding, donc à savoir les tracés de chemin, donc pour les compagnons, etc., sont pourris. Ça, je suis désolé, c'est pourri. Combien de fois je me suis retrouvé à marcher avec mon chien à côté de moi, et puis d'un coup, le chien, plus rien, plus de chien. Et puis, qu'est-ce que je vois en face de moi? Mon chien qui arrive en courant en face de moi. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Alors, quand t'es stressé, que t'as des goules ou des trucs bizarres, t'as l'impression que c'est un ennemi qui t'arrive dessus. Alors, moi, plusieurs fois, je me suis vu viser mon chien, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est pas grave, il faut lui tirer dessus, hein, ouais. Parce que de toute façon. Et alors, quand t'es dans des passages étroits, des ruines de baraques avec les petites portes étroites et que t'as le chien qui se couche en plein milieu. Le chien, c'est rien pour passer dire, les portes. Ouais, tu passes au-dessus. Le mec de l'acier, justement, il est dans une armure comme ça. Ah ouais, non mais voilà, enfin c'est pour dire que ils sont casse-couilles et plusieurs fois je leur ai mis des coups de crosse dans la bouche, autant au chien que Piper et je sais pas qui là, mais enfin ça c'est alors tous ces terrible. Petits bugs c'est d'ailleurs terrible. Bethesda a communiqué dessus il y a deux jours. Ils vont faire des séries de petits patchs correctifs, ils vont pas attendre en fait un mois pour sortir un gros patch, ils vont en disséminer à raison peut-être de un par semaine pour corriger tout ça, mais ils sont dessus et vraiment ils sont dessus déjà pour corriger. Quand t'es en mode sneaky, tu sais que tu dois pas te faire opérer et tout, j'ai vu déjà que le chien plusieurs fois il m'a fait chier en fait. Ah oui, c'est oui, pas, oui, pas oui, que le chien les enfin les nanas aussi. Après je sais que genre je me suis plaint et tout, et mon pote tout de suite il a fait bah écoute c'est très simple, parce que lui tu sais il jouait souvent, du coup il était en mode c'est très simple, tu lui donnes cet ordre, il reste là et tu peux y aller, etc. Oui voilà, mais c'est vrai que ça aussi ça me saoule, donner des ordres à mes IA, c'est un truc que j'aime pas faire dans les jeux vidéo. C'est un truc en plus. Voilà. Oui, yes. On parle de SVAV avant de... Bon, ouais, on va être en retard, c'est pas grave, on peut déborder de 10 minutes, on s'en fout. Le SVAV, donc c'est l'espèce de système, le bullet time un peu. Ouais, c'est son sixième sens. Mais ça, en fait, je pense que tu t'en es beaucoup servi, toi ? Jamais. Ouais, ouais. Voilà, moi, mais c'est pour ça que t'as pas kiffé. Ben moi, je m'en sers beaucoup, parce que du coup, j'ai développé la compétence qui l'augmente. Ok. Et c'est hyper pratique. Et du coup, tu te sors de pas mal de situations, donc en fait, le temps est ralenti. On a la possibilité, voilà, pendant ce laps de temps, qu'on peut faire évoluer après. Hein. On peut viser certaines zones du corps de l'adversaire. C'est comme les schémas à la boucherie où ils te montrent la cuisse de la vache, tu vois, ouais, la tête ça, de la vache, la poitrine. C'est qu'il a raison, quoi. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est vraiment utile. Moi, j'ai vu mon pote, parce que moi, du coup, je savais pas trop bien le gérer. Mais souvent il s'est sorti de grosses situations de merde où il arrivait dans une salle, il y avait je sais pas 4-5 ennemis et il arrive, il se met direct en bullet time, il balance une grenade à gauche, une grenade à droite, il met 3 têtes et puis c'est bon quoi. Oh, bah. Il y a plus personne. Mais et du coup ça arrive, t'arrives à avoir une action super cinématographique et des fois mais c'est rien, t'as un rat de cafard de 2,5 cm qui te fonce dessus. Au fusil d'assaut, tu lui envoies une bastos de 18 cm, t'as un ralenti, c'est superbe. Ouais. Les explosions, la gestion des explosions est ultra bien faite dans le jeu. Les grenades, quand elles explosent, il y a un vrai souffle derrière. Ouais. Elles sont belles en plus. Ah ouais, ouais, vraiment, ouais. Les explosions sont cool. Ouais. Ah ouais, très bien même géré. L'arme qui gère la nuque, là, même si elle était là dans les opus d'avant, je trouve ça hyper bien comme effet en fait. Parce que ça peut paraître con, mais quand tu fais comme ça, bon voilà, c'est censé être une mini bombe nucléaire. Faut essayer aussi de se renseigner sur comment ça fait quand il y a une bombe nucléaire qui s'explose. Et c'est pas forcément plus t'aider d'utiliser ce mode-là, puisqu'en définitive, c'est par rapport aux compétences et aux caractéristiques de ton personnage. Si t'as pas développé, par exemple, l'agilité qui va gérer en fait la visée et la précision du tir, tu vas pouvoir enclencher ce mode-là. Tu vas avoir 12 balles dans ton revolver, tu vas pouvoir en mettre 12, mais complètement à côté du personnage. Et ça, c'est une galère. Tiens, il y a Astrodova, je crois, qui nous demande combien il y a de niveaux dans Fallout 4. Alors, des niveaux, il y a un trophée qui correspond en fait pour aller jusqu'au niveau 50. Donc après, à savoir si on peut aller au-delà. Moi, je pense que oui. Si c'est comme les Skyrim, tu peux aller et des brouettes et des brouettes. Il y avait une limite quand même. Ah bon? Il me semble, ouais, je crois que c'était niveau 100. Bah voilà, bah niveau 100 alors, hein, allons-y guingamp. Bon, en tout cas, sur jusqu'au niveau 50, ça c'est sûr. Moi je voudrais dire que j'ai appris quelque chose quand même grâce à ce Fallout. J'ai mis un truc qui sert dans la vraie vie. Bon après j'espère pas que ça m'arrivera. J'ai le jour où tu vois une explosion nucléaire en face de toi. Faut pas la regarder. Exactement, tu mets ton pouce en face de toi. Et si l'explosion est plus grosse que ton pouce, c'est que tu es en zone de radiation et faut que tu te casses. Attends, refais le meuleux. T'as une explosion, un champignon atomique qui explose devant toi. D'accord. Okay. Si tu mets ton pouce en face de toi, si la perspective. Hein. Faites-le chez vous aussi, même ceux qui nous écoutent en voiture. En face de tes yeux. Et si en fait l'explosion est plus grosse que ton pouce. D'accord. Tu c'est dois baiser. Te casser dans le sens inverse parce que t'es en zone de radiation. Alors comment d'accord. Ça, alors comment si ça... elle est plus petite, tu peux foncer dessus tout droit. Non, comment ça se passe si t'as un main et que ton doigt est plus petit que la plupart des gens. C'est des valeurs globales, logiquement. C'est de toute façon, si l'explosion elle fait 4 fois ton pouce, tu sais qu'il faut que tu le casses. Tu vois. Non, si elle fait 4 fois ton pouce, tu t'en fous. Quand t'as plus qui brûle, tu recules. Tu vois plus ton pouce. Quand t'as les oreilles qui commencent à sécher et tomber, c'est faut se casser. Il y a plein de petits trucs comme ça et ils donnent des fois, t'as des rapports, etc., de comment te comporter dans les situations de quarantaine. Alors, si votre pouce se fait de la raclette, reculez-vous. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est les réminiscences de la guerre froide, ça, effectivement. Ouais. Le visuel de Fallout Shelter où on voit le personnage avec le pouce comme ça. Ah, j'ai pas ça vu. C'est grâce à mais ça. Mais c'est le lien. Putain. C'est ça. Oh là là. C'est fou. Eh ben, truc de ouf. Le chaînon manquant. Voilà. Et ouais, non, mais carrément. Moi, je pensais qu'il faisait genre top. Ouais, c'est et non. Vrai. Et ah non, oui, et en c'est fait, spécial. Et ben là, je suis sûr que les auditeurs vous avaient appelé. Eh ben, ça vous embouche un coin. Hein. C'est pour te dire, mec, t'es une bombe. Hey, tu vois, je viens d'apprendre un truc. Putain, j'espère que Raptor il nous écoute. On va lui dire ça parce que c'est sa photo de profil. Il est totalement fan. Mais Raptor il va faire, je le savais. Ouais, espèce de mytho. De toute façon, tu joues sur console. Mytho. Mytho. Bon, bisous, après, on peut peut-être parler aussi. Bon, on a parlé de l'ambiance, des décors et tout. La musique aussi, qui est super. Ouais, il y a des chaînes de, il y a des petites radios locales suivant où tu vas, où tu peux te brancher dessus. D'ailleurs, ça tourne beaucoup autour des radios. On en visite souvent, hein. Et ben, franchement, c'est super. Ah, il y a un moment, je suis rentré, putain, je faisais l'émission et tout. J'étais, non, c'est super. Moi, j'écoutais Rire et Radiation. C'était toi, j'ai adoré. Mais, non, voilà, c'est quand, au lieu de jouer tout seul dans la campagne où t'entends juste le vent, tu te mets une petite radio comme ça sympa avec des crooners dedans et t'as l'impression que tu vas faire Noël quoi, c'est génial. Et des fois tu passes à des endroits, ta radio grésille et tu entends des messages, des appels à l'aide aussi. Non, mais ça vraiment total. Sympa vraiment cool hein. Le petit côté crooner machin on est en plein dedans et ça je veux dire chapeau. Alors par contre pour les streams ils ont coupé la possibilité d'entendre ces radios là. Pourquoi? Bah à cause des droits. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est des vrais artistes pour ceux qui le savent pas, mais c'est des vraies chansons. Tu peux streamer les radios. T'as du Bill Crosby, ce genre de truc dedans, et il le fait. Et t'as le super animateur. Ouais. Salut, c'est toujours moi en fait. Là c'est du Bill Crosby. Et puis il balance le Scott comme ça, tu vois. Yes. Tu sens le mec déprimé derrière. Alors. C'est carrément autre chose que l'infernal, hein, c'est clair. Hein. Ah mais on m'a pas demandé mon avis. La petite promotion. Mais très sympa. La petite ambiance aussi un peu rigolote, tu vois. T'as un petit humour un peu grinçant et sympa que pas autant que dans Borderlands, mais t'as toujours ce petit côté sympa, rigolo, quoi. A priori moins qu'avant. J'ai pas assez de recul pour te dire, mais moi je trouve qu'il y a quand même un petit humour cool. Yes. Voilà. Ok, bon là on est carrément à la bourre. On va faire les conclusions vite fait, dans les plus, dans les moins chacun, et puis voilà, je vais finir. Voilà. Vas-y Dandy si tu veux. Toi t'es plus, t'es moins. Dans les plus, l'ambiance, l'atmosphère, la musique. Dans les moins, alors pas forcément personnellement, mais plus je pense pour tout le monde, c'est un jeu où il faut passer du temps. Pour déjà comprendre, pour être immergé dedans, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et dans les gros moins, si c'est un truc qui m'a saoulé, c'était l'IA quoi, qui te fonce dedans et qui court partout. Ouais, qui est assez pénible. C'est ça. Yes. Et toi, Kogu? Et la construction de baraque aussi, qui est super cool. Ah, on en a pas parlé. On en a pas parlé, mais le fait de tout crafter, c'est génial. Ouais, alors en fait, on a un espèce de petit lotissement et on peut construire sa maison. Et tes armes et tout, tu peux aider les réfugiés. Tout pimper, en fait. pour aider les réfugiés. Il faut leur fournir de l'eau, de l'électricité. On peut planter des choses. Voilà. Putain, et Aiki, t'es pile en face de moi. On dirait que t'as un nez rouge, mon pote. T'es pile. Ça tombe bien. Ma seule phobie, c'est les clowns. T'es pile tout droit, mon gars. T'es trop bien comme ça. Parce que le simple fait là, on dirait qu'on va te bifler là. Prends-nous une toffe. Le simple fait de m'imaginer en clown, ça m'a pas plu plus du tout. En fait, vraiment, j'aime pas ça. Et toi, Kogu, le plus, le moins? Alors les plus, la direction artistique, l'ambiance du jeu, qui est vraiment, enfin pour moi, voilà, je suis mon personnage et je me balade. Et dans les moins, je dirais juste pour ceux qui veulent faire des voyages rapides, et Dieu sait quand même que t'as mené à en faire pas mal, pour moi c'est la longueur des temps de chargement en moins, parce qu'il y arrive des fois où tu vas te téléporter à un endroit qui va t'amener juste devant une porte, t'as un temps de chargement où tu atteins facilement la minute. Est vraiment facile, et tu ouvres cette porte qui est devant toi, retente de téléchargement pour rentrer dans une pièce. Ah ouais, c'est un donc, truc. Voilà, moi, mon seul moins vraiment sur le jeu, ça va être ça. Yes. Eh ben moi, dans les plus, un peu comme vous. Au niveau des plus, il y a quand même une énorme durée de vie. Je pense qu'il faut en parler parce que c'est un jeu qui est interminable en soi, quoi. Il y a des quêtes, en veux-tu, en voilà. Et puis la direction artistique, j'ai beaucoup aimé. Et puis là, j'ai passé au moins. Oula. Donc je vais prendre un petit peu d'air dans mes poumons. Alors, les menus qui sont nuls à chier, il y a des bugs de collision, c'est un truc de ouf. Il y a des moments, tu mets 4 heures à juste attendre que le mec qui t'accompagne, il s'en aille. Il y a du pathfinding de débile, genre quand t'es accompagné par un petit bonhomme, il se perd en route, il y a plein de quêtes qui ont sauté à cause de ça. Tes compagnons qui sont complètement cons. Il y a des endroits comme des fenêtres qui sont pas creuses. Donc toi, t'es caché, t'essayes de tirer à travers, l'ennemi te touche, mais toi, tu peux pas tirer. Genre à travers une fenêtre ouverte, entre des barreaux d'escalier. Ça, c'est top, quand tu te fais toucher, mais que toi, tu peux pas tirer à travers. C'est pas très beau, on va pas se mentir, il y a des moments, c'est nul à chier. Il y a des personnages, quand il y a un champ contre champ lors des dialogues, c'est la cata, des fois la caméra filme le mur, des fois elle filme le sol, des fois elle filme le plafond. La gestion du son aussi, hein, du coup. La gestion du son qui est complètement what the fuck parfois. Les visages qui sont carrément affreux, quoi, c'est tout pourri. C'est hyper dur, sous réserve de pas être préparé, un truc de ouf. Il y a des bugs de caméra, il y a des bugs de quête, j'en ai deux que je peux pas faire comme The Witcher. J'en passe et des meilleurs. Moi, j'ai détesté. C'est dégueulis, quoi. J'ai détesté Fallout 4, sincèrement, je l'ai appelé Frustration 4. Il y a aucun moment sur mes 35 heures de jeu où j'ai souri. Aucun moment. Ça fait 29 heures que je suis sur Battlefront, j'ai une banane de bâtard, c'est un truc de ouf, on joue avec des potes, on s'éclate. Fallout, c'est pire que tout. C'est une frustration ultime. Je suis pas en train de dire que le jeu est merdique, je suis en train de dire que j'aime pas. Non non, et puis c'est un avis qui est personnel. Ah c'est oui, pas, oui, clairement. Ça, c'est pas une mais je dis pas absolue. Que je dis pas j'aime pas et puis c'est tout, je donne des arguments, mais c'est une frustration totale. La moindre chose que tu dois faire, c'est calculer. Tu mets un coup de poing, c'est calculer. Tu fais non. Tu te promènes, c'est super lourdingue. Moi, j'ai pas du tout kiffé. L'univers est super, certes. Se promener, c'est très bien, mais non, le gameplay lui, il va comme pas ça. Pas la cueillette des champignons, non. Tu vois. Voilà, c'est ça. Non, moi je fonce dans le tas. En même temps, cueille pas les champignons après ce qui s'est passé quand même. Ouais. Parce que tu les cueilles sur les gens. En fait. Tu vas pas avoir que des alus, je pense. Si t'as des champignons. Donc il y en a plein qui sont pas d'accord. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Hein, je le rappelle. Voilà. En tout cas, moi, je voilà, c'est un jeu. Je suis pas du tout rentré dedans. Ça a été vraiment hyper difficile pour moi d'y jouer. J'étais très bien parti et puis d'un coup j'ai décroché parce que trop. Alors qu'il est très vite rentré dans Dark Vador. Alors que oui, alors que Battlefront, si vous me cherchez, je suis là-bas. Quoique demain je commence Just Cause. On en parlera dans deux semaines. Enfin bref, c'est pas la question. Voilà, moi il y a plein de choses que j'ai pas du tout aimé, sincèrement. Il y a des trucs qui m'ont gonflé qu'on voit plus en 2015, quoi. Vraiment, quoi. Et voilà. Moi quand je fais mon caca il est tout, nerveux, il est tout, tout pas content, tout rouge. Quand je fais mon caca nerveux sur Transformers, après on me laisse pas parler. Ah non, c'est Goustic qui t'a pas laissé parler. Ouais. Bon, après tu vas pas comparer Fallout 4 et Transformers. Ouais. Oh oh non, c'est non, non, quand même pas. Bon bref, voilà, je vois que ça réagit déjà. Hein, je suis pas du tout d'accord. il a tout dit. Je fonce dans le tas, voilà, donc c'est sûrement chacun ses goûts et couleurs. On apparemment, dit. On vient de perdre des follow. Non, mais bon, chacun ses goûts, moi j'ai trouvé vraiment. Enfin voilà, c'est pas pour moi, quoi, clairement. Bon, bref, je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'espère attention qu'on... au sniper dehors, quand même. J'ai un point rouge là. Ça qui est moi aussi, je crois. J'espère qu'on vous aura aidé à faire votre choix. Il y a du pour, il y a du contre, hein. Mais attention, si je sais pas, si vous y connaissez pas trop en jeu vidéo, faites attention, c'est pas un FPS, c'est pas Call of, c'est pas Far Cry, c'est ultra compliqué. C'est un jeu qui est complexe au possible. C'est un jeu pour hommes. Voilà. Ouais, voilà. Ah, ouais, mais bon. Bah, moi, j'ai pris le DLC fillette aussi. C'est pour ça, quoi. Bon, bref. Merci, Christophe. On va rappeler un petit peu les dates. Ouais. De Fans de Briques. Donc, c'est ce week-end-là, hein, samedi 28 et dimanche 29, de 9h à 18h. C'est au Hangar 14, sur les quais de Bordeaux. En plus, c'est hyper bien desservi. Donc, ça, c'est top. Ouais, ouais, c'est bon. C'est 5€. Et puis, il y a plein de choses à faire. Il y a des expos, il y a de la construction, il y a du stop motion, il y a du Lego Star Wars, il y a plein de trucs. Si ça, on va pouvoir marcher sur les Lego, on va pouvoir les manger aussi. Oh, du pain au chocolat. Oui, j'ai vu ça. Ah oui, pour de faux. Ouais. Ouais. Non, enfin, premier degré de ouf, le mec. C'est ça. Mon Dieu. Ouais. Alors moi, je t'explique, je mange les Lego, les petites briques de deux. Après, je te chie les barres de six. Parce que tu les mets pas à la bouche pour les séparer, les Lego. Hein. Eh bien non, plus maintenant, car je suis devenu un vrai affole depuis que j'ai acheté mon premier gros set de Lego. Avec il te donne un petit outil orange. Oh, c'est mignon. Du coup, tu te niques plus les ongles et les chicots, en fait. Ouais, c'est en fait, du coup, j'en ai plein. C'est ça. La pièce à Lego. Exactement. Bon, en tout cas, merci Christophe. Merci à vous. Merci Christophe. Moi je pense que j'y serai dimanche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Samedi, si vous êtes à côté d'Ambarès, je fais une exposition de rétro gaming. Si vous voulez venir faire un tour, c'est gratos. Et puis voilà, on devait faire ce soir, on devait être en direct du pôle évasion de là-bas, d'Ambarès, mais c'était un peu compliqué au niveau de rassembler tout le monde. Parce que c'est à une heure de route du studio, en fait. Ah ouais, quand même. Eh oui. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais on fera une émission en direct de là-bas, du pôle évasion. Donc moi j'y serai samedi et dimanche vous pouvez me croiser au hangar 14. Viendra jouer au Lego avec nous. Ouais. Bon, on est carrément à la bourre, mais c'est pas grave. Merci Dandy, merci Kogu. Merci Iki. De rien. Bonne fin de soirée. Merci les viewers. Hein. N'hésitez pas. La semaine prochaine, on refait la même. Bisous à vous. À nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, à vous follow et tout. N'hésitez pas. La voix du geek, la voix avec un E. Je vous souhaite une bonne soirée. Et là, juste après. Après le jingle, mesdames et messieurs. La guinguette. Ah là, là il y a un morceau qui s'appelle Les gueules. Attends, les gueules de Wab. L'enterrement d'un iPhone, mesdames et messieurs. Oula. Attention, c'est ça, du lourd. Ça sent le carton, ça. C'est ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, 19h sur Eau Radio. Et puis la semaine prochaine, émission spéciale Star Wars. On vous parle de Battlefront, on va parler du film. Et on reçoit l'amicale du geek aussi, via Skype. Voilà, allez bisous, bonne semaine, bye bye. Ciao. Vous écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3.